tous les podcasts D3-8, radiogrenouille.com. Partir du collectif pour en fait aller plus loin, parce que le foot étant un sport super populaire, bah ça m'a pas mal interloqué. Your garments, the truth is there, for who have eyes to see? Partiality has no place in this judgment. Remember the words of prophecy. Children, run, come to truths and right. That's what I'm about. You know the truths and right. Teach it to the children. You know the truths and rights. Teach it to the children, cause they should know. No, no, no, no. Children, say a little prayer every night before you go to sleep. Cause tomorrow is promised to no one. When you think it's peace and safety, Lord, it could be sudden destruction. Cause we know, yes, we know. I am saying to you right now, and for tomorrow and henceforth I say, render your hearts and not your garments. The truth is there for whoever has to see. Partiality has no place in this judgment. Just remember the words of prophecy. I say, children, run, come, the truths and rights. That's what I'm about. You know the truths and rights. Teach it to the children. Run, come, the truths and rights. That's what I'm about. Everything but cold fire. You will be my rest and peace, child. I moved up to take a place near you. So tired, it's the sky that makes you feel tried. It's a trick to make you see white. It can all but break your heart. And he says, staying back in your memory are the movements in the parts. How you move is all it takes to sing a song of when I love. Prettiest star, one day, though it might as well be someday. You and I will rise up all the way, all because of what you are, the prettiest star. Staying back in your memory all the movements in the past. How you move is all it takes to sing a song of when I love. Prettiest star. Blues. Yeah. use, baby. I'm leaving town. Ain't no use, daddy, I'm putting you down. I'm gonna change my name. Things won't be the same, 'cause I'm tired of playing your game. Ain't no use, baby, I tell you, it ain't no use. I've tried all these years, Lord knows I've tried. Yes, and I cry deep down inside. It's all over and done. Now I gotta run. You don't have your fun. Ain't no use, ain't no use, ain't no use, daddy, ain't no use. Spaghetti road. I know there's a light at the end, but the tunnel, it seems so narrow. Trying to find my way, but my shoes is feeling heavy. They say I'm always dragging my feet. Now the world is measured on how fast you can get it. So I'm left behind before I can reach. Before I can reach, yeah. Making a life for yourself. Footopie, c'est une soirée décalée autour du foot proposée par La Friche et Radio Grenouille le 9 juin prochain. Moi, ce que j'aime, c'est le football. Footopie, c'est un match en 3 mi-temps pour parler de ballon rond et y jouer. Footopie, c'est une émission sur la grenouille à partir de 19h avec l'équipe des bâtons d'Anguirou et des sociologues, philosophes et chercheurs pour penser l'avenir du foot. Footopie, c'est un tournoi aux règles complètement folles sur le playground de la Friche à partir de 21h. Footopie, une soirée de foot qui change du foot le 9 juin prochain de 18h à 23h. Alors enfilez vos chaussettes et rejoignez-nous à la Friche Belle de Mai. Plus d'infos sur www.lafriche.org. Oh, c'est une soirée décalée autour du foot proposée par La Friche et Radio Grenouille le 9 juin prochain. Moi, ce que j'aime, c'est le football. Footopie, c'est un match en 3 mi-temps pour parler de ballon rond et y jouer. Footopie, c'est une émission sur la grenouille à partir de 19h avec l'équipe des bâtons d'Anguirou et des sociologues, philosophes et chercheurs pour penser l'avenir du foot. Footopie, c'est un tournoi aux règles complètement folles sur le playground de la Friche à partir de 21h. Footopie, une soirée de foot qui change du foot le 9 juin prochain de 18h à 23h. Alors enfilez vos chaussettes et rejoignez-nous à la Friche Belle de Mai. Plus d'infos sur www.lafriche.org. Oh, « ceux qui sont les meilleures équipes, ni peu. Ce soir à la Friche Belle de Mai, chères auditrices, chers auditeurs de Radio Grenouille, émission spéciale en public et en direct. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes la veille du coup d'envoi de l'Euro 2016 de football qui aura lieu en France. Curieusement, il en sera très peu question dans cette émission. Pourquoi ? Eh bien parce que nous partageons au sein du dispositif des bâtons d'Anguirou un constat commun selon lequel le modèle du football d'aujourd'hui ne nous convient pas vraiment. Nous nous passionnerons bien sûr tout de même pour quelques matchs de cette compétition, car nous aimons cela, mais nous avons préféré aujourd'hui parler d'un football, d'un autre football possible. Cette émission sera donc intitulée Footopie. Comment remettre en cause ce modèle footballistique d'aujourd'hui ? Comment réinventer ? Comment penser le football de demain ? Voilà l'objectif ambitieux de cette émission. Le cadre étant posé, voici maintenant les acteurs de cette émission table ronde, à commencer brièvement par les membres du dispositif, le docteur Lehmann. Bonsoir docteur. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Vous êtes notre spécialiste en chorégraphie et en géopolitique. Exactement, et ce soir nous allons danser. Coach Luc, tacticien, adepte de l'anticipation et du surnaturel. Bonsoir coach. Bonsoir à tous et merci pour vos applaudissements. Dondé, habile observateur des mécanismes et structures socio-culturelles, bonsoir. C'est beau, bonsoir. Et enfin Magic. Magic, vous délaissez ce soir la cabine de commentaires pour le plateau, c'est un plaisir. Bonsoir, oui, bonsoir à tous nos spectateurs et tous nos auditeurs, puisque nous sommes sur la Friche Belle de Mai, juste à côté du Playground, et il y a pas mal de monde qui est là, en train de jouer, en train d'écouter, et bonsoir à tout le monde. Nous déplorons, vous l'aurez remarqué, chers auditeurs, l'absence de Brett, qui est le sixième larron du dispositif, sans qui cette émission ne saurait rien. Et nous le saluons. Alors cette émission se déroulera en plusieurs parties. Nous commencerons par le footballeur comme modèle social, voire culturel, voire politique, notamment lorsqu'il est membre de l'équipe nationale. Et nous analyserons cela particulièrement avec vous, Ludovic Lestrelin. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu, ça a été compliqué. Oui. Mais vous êtes là. Et je suis là, à Marseille. Vous êtes sociologue, vous êtes maître de conférences à l'Université de Caen et vous avez entre autres publié L'autre public des matchs de football, sociologie des supporters à distance de l'Olympique de Marseille, aux éditions de l'EHESS. Exactement. Et puis dernièrement, dans la publication coordonnée par Fabien Archambault, Stéphane Beau et William Gasparini, dont le titre est Football des Nations, je crois. Un article qui s'appelle « Supporter une équipe nationale de quelques enseignements tirés au cas de l'équipe de France ». Absolument. C'est avec le docteur que nous analyserons tout ça dans cette première partie. Une deuxième partie qui sera plus économique avec vous, Richard Duhautois. Bonsoir. Bonsoir. Merci aussi à vous d'avoir répondu à notre invitation. C'est avec plaisir. Vous êtes économiste donc, professeur associé à l'Université de Paris-Est. Ouais. Et vous avez notamment été le co-auteur avec Bastien Dru de l'ouvrage « Sens social football club », celui qui nous a le plus intéressé, nous, pour préparer cette émission. On fera un détour par les règles du jeu, aussi du football, dans cette émission, en fin d'émission. Et puis aussi, nous irons dans le futur avec vous, coach, dans l'anticipation, les statistiques, la robotique, avec un invité qui aurait dû être parmi nous ce soir, Fabrice Jumel, mais malheureusement qui nous fait défaut. Deux choses à dire avant de débuter cette émission. Tout d'abord, merci à la Friche, à la Belle de Mai et à Radio Grenouille de coproduire cette émission et de nous avoir invités. Footopie, c'est un événement un peu plus large que cette émission de radio. Vous avez d'abord cette exposition qu'on peut voir à côté de la salle des machines, Vélodrome 12e homme du photographe Lionel Briot. Ensuite, vous avez pu assister juste avant à cette vente aux enchères de portraits de footballeurs réalisés par les jeunes du quartier, vente dont les bénéfices sont reversés aux associations d'aide aux enfants autistes et de lutte contre la leucémie. Et enfin, après cette émission, Magic, vous nous en parlerez un peu plus longtemps, longuement tout à l'heure. Le grand tournoi Footopic qui se déroulera ici sur le Playground à partir de 21h. Tout à fait, qui est en train de se préparer là pour l'instant. Notons aussi que la librairie La Salle des Machines que nous côtoyons ce soir propose pour l'occasion une belle sélection d'ouvrages décalés ou moins décalés sur le football. Et particulièrement, nous en sommes très fiers, coach, vous pouvez le montrer, cette nouvelle parution des éditions Vent-Loup que nous saluons, Philippe, bonsoir. Des bâtons d'Anguirou, donc un très bel ouvrage qui regroupe quelques-unes des plus chouettes chroniques écrites pour cette émission. Émission qui a 4 ans déjà. Alors le cadre est posé. On va pouvoir commencer par cette première partie. Et on va évoquer dans cette première partie le footballeur, comme je le disais tout à l'heure, comme modèle social et culturel qu'il est devenu et comme modèle de représentation nationale. Pour débuter ce chapitre, on va dire, on a voulu interroger un événement qui a lieu à Bologne tous les ans. Cet événement, c'est le mondial antiraciste. Ce mondial, il évoque pour nous à la fois un questionnement sur la conscience sociale et politique du football et du footballeur, et aussi un questionnement sur cette notion de représentation nationale. On a interrogé Eric, un habitant de Loris, un petit village du Luberon, qui participe depuis plusieurs années à ce mondial et qui va nous le présenter. Il explique au départ qu'il a abandonné le foot il y a quelques années pour le reprendre, la trentaine passée, et il va nous dire pourquoi. Je me suis remis après la trentaine, là, quand j'ai lu le livre de l'éloge de la passe. Et décidé de partir du collectif pour en fait aller plus loin, parce que le foot étant un sport super populaire, bah ça m'a pas mal interloqué, quoi. Du coup, ça devenait le foot comme un outil pédagogique en tant que tel. Et ce bouquin, je l'ai passé au cousin Gilou. Et lui, il a retenu ce mondial antiraciste à Bologne. Et 6 mois après, il nous inscrivait une équipe pour qu'on aille y jouer. C'est rigolo, du coup, tu croises des gens du monde entier, quoi, parce qu'il y a... Il y a 170 équipes qui sont inscrites quand même, ce qui fait beaucoup de matchs. Il y a des gens, des équipes de l'Europe entière, et je crois qu'ils travaillent eux de leur côté, les gens qui organisent ça, avec les foyers d'accueil de migrants, les centres sociaux, etc. Ce qui fait qu'on a, il y a pas mal d'équipes composées soit de migrants de première génération ou des centres sociaux avec des migrants de plusieurs générations déjà. Donc c'est assez rigolo, quoi. On a vraiment l'impression de vivre une sorte de mondial, effectivement, quoi, parce qu'il y a des équipes un peu de partout, quoi. En fait, ça se passe dans un énorme parc public à côté de Bologne. Les équipes sont presque toutes mixtes. Il y a beaucoup d'équipes avec des enfants aussi. Il n'y a pas d'arbitrage. Et je crois que les 2 premières équipes de chaque poule sortent pour après rentrer dans une phase d'élimination directe. Et les quarts de finale, la demi-finale et la finale, elles vont se jouer uniquement au tir au but. L'objectif qui est derrière, je pense, c'est surtout qu'on n'est pas des gros sportifs tous. Et effectivement, la compétition montant, il y a beau y avoir pas du tout d'enjeu derrière. Je pense que d'éliminer le côté compétition à partir de ce moment-là, ça permet d'avoir juste un truc où tu en profites jusqu'à la fin, quoi. Et après, il y en a 8 qui sortent et qui arrivent au quart de finale. Et des 8, il y en a un qui gagnera, mais c'est presque anecdotique. Ah, derrière, il y a des vrais moments de réflexion sur la place du supporter, comment gérer le hooliganisme, qu'est-ce qu'est un groupe d'ultra, la montée du fascisme dans les travées des stades aussi, quoi. Donc ça sert vraiment de rassemblement aussi, de réflexion, entre guillemets, intellectuelle autour de qu'est-ce que le foot aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut proposer aux jeunes. Sur le programme, il y a autant des matchs de foot que ces conférences et ces moments de réflexion. Donc oui, c'est comme signé, hein, le site du mondial, rempli de documents, c'est super enrichissant parce que derrière, eux, ils se servent aussi de ça pour aller faire, entre guillemets, du lobbyisme auprès des instances européennes sur la place des supporters, quoi, justement, et de défendre un supportariat engagé et non raciste. Ludovic Lestrelin, on vient d'écouter Eric, donc un participant à ce mondial antiraciste à Bologne. Tout de suite, je voulais vous interroger sur ce que nous dit, selon vous, ce mondial. Pourquoi aujourd'hui il est encore nécessaire, il est toujours nécessaire d'organiser ce genre d'événement? Alors, peut-être juste revenir un peu sur l'histoire de cet événement, et on pourra discuter un peu effectivement après du sens de cet événement. Il est né sur l'initiative du Progetto Ultra, en fait, qui est une organisation italienne située à Bologne, qui a été créé par un universitaire qui s'appelle Carlo Balestri et qui s'est inspiré en fait des expériences menées en Allemagne d'accompagnement du supporterisme qu'on appelle les fan projects, en fait, qui sont un travail de médiation sociale et travail de rue en quelque sorte avec les supporters pour chercher justement à diminuer la conflictualité et à chercher à valoriser la culture ultra, enfin culture du supporter, parce qu'à l'époque où les fan projects sont nés en Allemagne au début des années 80, il n'y avait pas de groupe ultra comme aujourd'hui. Enfin bref, donc à Bologne, ils se sont inspirés de ça. Ils ont fondé donc le Progetto Ultra, qui est là aussi une sorte d'organisation qui fait de la médiation sociale, on va dire ça comme ça, avec les groupes ultra. Et quelques années après la fondation en 95, ça doit être en 96 ou 97, je ne me souviens plus la première édition, ils ont mis sur pied ce mondial antiraciste dans les alentours de la ville de Bologne, en invitant au départ quelques groupes. Et puis ça a pris peu à peu de l'ampleur et effectivement maintenant c'est une sorte de réseau international où il y a des groupes de supporters qui viennent de toute l'Europe et qui vont se rencontrer et qui vont aussi côtoyer des collectifs de migrants, des associations. Il y a, comme ça a été très bien dit dans le reportage, il y a en fait le football n'est qu'un prétexte pour discuter aussi d'autres choses. Il y a des ateliers de réflexion, des débats, des présentations d'ouvrages, etc., etc. C'est une sorte de festival finalement sportif et culturel, et donc avec effectivement un axe très fort autour de l'antiracisme. Ça a été très important parce qu'il y a effectivement, à partir des années 80-90, notamment en Italie, une montée très nette du racisme et on peut dire une droitisation des tribunes italiennes. Par exemple, l'AS Roma est un cas assez typique d'un club historiquement plutôt marqué à gauche, alors qu'historiquement, la Lazio est plutôt à droite. Les tribunes de l'AS Roma dans les années 70 sont composées de groupes plutôt engagés à gauche. Et puis, on voit que ça bascule dans les années 80-90 très nettement. Et donc, il y a cette problématique-là qui se pose dans les stades italiens et ça vient de là, en fait. On a également interrogé Stéphane Beau la semaine dernière, l'un de vos collègues, Ludovic, oui. Sur cette question du mondial antiraciste et du racisme plus globalement. On va écouter cette petite partie d'interview tout de suite. Moi, je pense que, bien sûr qu'il y a du racisme dans le football, comme il existe du racisme dans la société en général, voilà, donc c'est pas spécifique au football. Je dirais même que, finalement, si on réfléchit bien, le football est encore un des rares endroits, où notamment dans les clubs de jeunes, où vous avez un contact entre groupes sociaux un peu différent. Si on regarde bien ce qui se passe aujourd'hui dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, ne parlons pas des classes prépa ou des universités, on a des univers aujourd'hui qui sont très, victimes de ségrégation sociale et spatiale. Donc foot, c'est pour ça que j'insiste sur ce point, le football, malgré tout, reste un endroit où on peut faire des rencontres sociales, où il y a des gens qui sont de milieux parfois très différents. Si on regarde l'équipe de France, par exemple, bon, Hugo Lloris, un fils de banquier, d'avocat d'affaires, il a grandi à Nice et à Monaco. Il joue au foot avec des gens qui ont grandi toute leur vie dans une famille de 5 enfants populaires, d'enfants d'immigrés africains ou maghrébins. Donc voilà. Donc je trouve qu'il y a une sorte de procès a priori qui est fait contre ce sport en disant qu'il est plus raciste que les autres, moins raciste. Bon, moi, je suis assez prudent par rapport à ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de racisme, notamment dans les stades où vous avez, comme vous le savez, le stade, c'est avant tout un grand endroit où on peut se défouler, on peut crier pédé, enculé, tous les termes homophobies passent, on peut, voilà. Donc, le football, le stade de football a cette fonction d'exutoire, de défouloir, bien sûr condamnable, mais si on commence à condamner ça, il n'y aura plus personne dans les stades. Donc, je pense qu'il faut être prudent par rapport à ça. Je pense qu'il y a effectivement, en revanche, là où ça devient intéressant, pour moi, sociologue, c'est de voir apparaître effectivement des phénomènes d'intolérance raciale, on va dire. J'ai pas mal suivi ce qui s'est passé à Metz et à Nancy les dernières années, quand vous avez une région qui est en crise profondément, économiquement, socialement, etc. On voit bien que dans ces lieux-là, dans ces stades-là, avec un public populaire très souvent aujourd'hui désorienté, vivant très mal sa situation, etc., il y a parfois cette fonction-là. Hein. Donc, voilà, j'ai commencé par vous dire ça parce que je trouve que c'était avec mon ami historien Gérard Noiriel, on avait écrit en Libération après l'affaire des quotas qui avait été soulevée par Mediapart en disant le football français raciste. Bon, moi j'aimerais bien qu'il y ait plus de diversité sociale et ethnique dans plein d'endroits, beaucoup plus voilà, beaucoup plus qu'il y a dans le football. Aujourd'hui il y a quand même une sorte de, voilà, je réagis un peu contre cette idée a priori que le foot serait raciste. Moi, je trouve que ce sont des façons de faire, des raccourcis qui ne me paraissent pas correspondre à la réalité. Stéphane Beau, on l'a dit en début d'émission, est le co-auteur de Football des Nations, un ouvrage dans lequel vous intervenez. Ludovic, vous nous présentez, docteur, un peu plus longuement ce sociologue. Oui, merci à Stéphane pour cette intervention qui était très intéressante. Donc Stéphane, c'est vrai que c'est l'un des trois coordinateurs de ce livre auquel vous avez participé, Ludovic. Ce livre, c'est une tentative de penser le football dans une logique critique, ce qui n'est pas souvent le cas en réalité. Une logique critique au sens de l'analyse, c'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre le rapport du football à la nation dans une perspective historique qui montre bien que ce n'est qu'en devenant le spectacle populaire par excellence que les États vont s'efforcer en fait de capter ce symbole identitaire collectif pour éventuellement le mettre au service de la construction nationale. Alors c'est le cas tardivement en France, notamment avec l'utilisation de la formule black, blanc, beurre, qu'on a observé en 1998, mais on a aussi vu la tendance s'inverser en 2010, lors de l'épisode de la grève des joueurs de l'équipe de France à Knissa, en Afrique du Sud, où l'ensemble des médias se sont retournés contre les Bleus. Et c'est vrai que Stéphane Beau avait notamment écrit deux livres là-dessus, dont l'un qui s'appelle « Affreux, riche et méchant ». En réalité, les États essaient bien sûr de manipuler cette haute valeur symbolique qu'est le football, sport qui a suscité une remarque lucide de l'historien britannique Eric Hobsbawm, qui est cité dans l'introduction du livre, et qui dit que le sentiment d'appartenance est forcément rendu plus limpide par le faible nombre d'élus. C'est-à-dire que quand il y a 11 joueurs pour s'identifier, c'est forcément plus facile. Donc l'interrogation principale de ce livre, c'est d'essayer de comprendre comment le foot est devenu l'un des enjeux symboliques de la puissance des nations, avec en toile de fond un phénomène plus récent qu'est l'émergence de concurrents, d'acteurs privés très puissants que sont les grands clubs de football, c'est-à-dire des entreprises transnationales, si l'on pense au Barça, au Real ou à Manchester, voire à un club de la capitale qu'on ne citera pas ici. Mais c'est un ouvrage collectif qui est très bien documenté, qui mobilise des chercheurs internationaux qui sont les plus aptes en fait sur des monographies nationales, voire sur des thématiques plus transversales. Voilà, un des écueils par contre de ce livre, et c'est sur ce sur quoi je vais d'abord interroger Ludovic Lestrelin avant d'ouvrir le débat avec les autres invités, c'est finalement l'européanocentrisme de ce livre. C'est-à-dire que effectivement, il inclut un petit peu ce qu'on va appeler l'extrême occident du football, c'est-à-dire l'Argentine, le Brésil ou l'Uruguay, ce cône sud qui a gagné des Coupes du Monde. Mais c'est vrai qu'il laisse de côté des pays émergents du football, comme l'Afrique du Sud, par exemple, comme la Corée ou le Japon, qui ont abrité des Coupes du Monde. Et notamment, quand on voit l'épopée des Bafana Bafana, c'était important en Afrique du Sud. Et je pense que c'est un peu dommage de le laisser de côté. Ou d'autres aspects, comme par exemple la construction identitaire autour de l'équipe d'Algérie. Voilà, avec cette équipe du FLN qui s'était constituée en 1958, qui était aussi un phénomène très intéressant. Donc c'est vrai qu'un des écueils de cet ouvrage, c'est finalement de peu parler de cet autre aspect du football, c'est-à-dire le football hors de l'Europe. Et puis le deuxième écueil que moi j'ai trouvé, enfin que j'ai envie de souligner, mais c'est plus pour interroger ce livre, même si Ludovic y a seulement contribué en réalité, c'est la question des règles du jeu. C'est plus une question méthodologique vis-à-vis du sociologue, c'est-à-dire que moi ce que j'ai regretté, c'est finalement qu'il n'y ait pas de proposition systématique en fait du rapport qu'entretiennent les États à leur football et à leurs footballeurs. Alors, sur la première chose, il faut déjà dire une chose, c'est-à-dire que cet ouvrage, d'ailleurs il y en a un second, en fait, qui est paru aux éditions de l'Université de Bruxelles, qui porte sur la même thématique. Mais on va se focaliser sur le football des nations. Cet ouvrage vient combler une lacune, et ça il faut le dire déjà, c'est que finalement, il y a beaucoup de travaux aujourd'hui maintenant produits sur le football, la popularité du football et les publics du football, mais ces travaux s'intéressent surtout, et je peux en témoigner puisque c'est l'objet de mes travaux personnels, c'est des travaux qui se focalisent beaucoup sur le supporterisme de clubs. Les supporters de clubs sont bien documentés aujourd'hui. On a un tableau à l'échelle européenne et même sur des cas plus exotiques, comme vous le disiez, on a une documentation qui est plutôt riche. Par contre, sur le supporterisme des équipes nationales, finalement, c'est quelque chose de très mal connu. Et donc, finalement, on pourrait recevoir cet ouvrage comme une première pierre posée à l'édifice et qui mériterait effectivement d'être enrichie, d'être complétée. Parce qu'effectivement, même si le football, enfin même si l'Europe est le foyer d'apparition du football au XIXe siècle, il y a évidemment des sociétés, on pense à l'Amérique du Sud, l'Amérique latine plus largement, qui ont été très marquées et qui sont très marquées par la place du football. Et effectivement, le continent africain aussi, et l'Asie aujourd'hui est un continent émergent de ce point de vue-là. Donc finalement, il faudrait mener des travaux. Mais il faut peut-être le prendre comme ça, comme une sorte de première pierre, mais qui appelle effectivement des travaux plus complets sur d'autres configurations nationales. Sachant que c'est complexe, sachant que finalement, ce que montre bien le livre, c'est qu'il n'y a pas, le rapport finalement entre la nation, l'État et l'équipe nationale de football. Il n'y a pas qu'un rapport finalement, c'est très complexe et ça varie selon les pays. Et effectivement, que ce soit l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre, la France ou d'autres pays, finalement on voit que historiquement le football devient un enjeu politique dans des temporalités qui sont différentes, voilà, avec des enjeux différents, différemment posés selon les configurations nationales. Ça c'est une première chose. Qu'est-ce que je peux dire d'autre par rapport peut-être au cas français, peut-être réagir sur le cas français, parce qu'il dit quand même des choses sur les pays du Maghreb, je pense, parce que la question de la représentation nationale, de qu'est-ce qui fait qu'effectivement, tout à l'heure la question du racisme a été posée et Stéphane Beau a été interrogé, je partage tout à fait son analyse. Peut-être qu'on peut se dire, tiens, et ça a été l'objet de débats là, il y a très peu de temps sur le cas Benzema, voilà, et le cas Ben Arfa, une sorte de reproche adressé finalement aux sélectionneurs français, de se dire on n'a pas sélectionné des joueurs qui pourraient représenter et incarner l'immigration maghrébine dans notre pays. Dans un certain sens c'est vrai, il y a une absence de représentation de cette immigration maghrébine dans l'équipe de France de football aujourd'hui. Alors moi je pense que ça tient pas du tout à des logiques racistes du football français. Je pense que ça tient aussi à deux choses. Ça tient à des logiques institutionnelles. Le fait que depuis 2003, si je me trompe pas, la FIFA a modifié les règles de la nationalité footballistique en quelque sorte, et les joueurs peuvent se décider très tardivement de jouer pour telle ou telle équipe nationale, à tel point donc un joueur peut très bien jouer dans les équipes, l'équipe de France de jeunes, et puis attendre d'avoir 20 ans pour se décider pour une autre équipe, une autre sélection nationale. Donc il y a parfois des choix qui sont faits par les joueurs qui relèvent de choix de carrière, de se dire je vais pouvoir prétendre à une place dans l'équipe nationale si je choisis finalement le Portugal, si je choisis l'Algérie ou la Tunisie, alors que j'aurais beaucoup moins de chances de prétendre à la sélection nationale si je fais le choix de l'équipe de France. Ça c'est une première chose. Puis je pense qu'aussi ça renvoie aussi à une question de nos sociétés, c'est-à-dire on vit dans des sociétés qui sont cosmopolites avec des attachements pluriels, et de nombreuses personnes qui finalement entretiennent des liens avec des cultures différentes, qui ont un pied à la fois en France, mais aussi l'autre, dans d'autres sociétés. Et la difficulté vient du fait que la nationalité au sens civil et politique ne recoupe pas la nationalité au sens sportif. Et ça, c'est peut-être ce qui est difficile à comprendre, et qu'on peut très bien se sentir français, mais vouloir jouer pour l'équipe d'Algérie ou l'équipe de Tunisie. C'est assez complexe finalement. D'accord. C'est vrai que vous êtes presque déjà revenu sur la suite du débat qui va nous intéresser. C'est que vous êtes un spécialiste des supporters, entre autres, notamment. Vous allez bientôt publier un article sur le fameux DP, qui est une icône du supporterisme à Marseille et en France, oui, aussi. Puis vous avez fait vos travaux sur les supporters à distance, c'est-à-dire ces supporters finalement qui s'expriment par derrière leur télévision, mais aussi en faisant des voyages, par exemple en venant de Normandie pour supporter l'équipe de l'OM, et en visitant le stade, le Graal au final de ces supporters, de façon assez périodique. Moi, ce que j'ai lu de vos travaux, c'est aussi cette idée que vous véhiculiez là d'allégeance multiple. C'est-à-dire qu'on va supporter une équipe, et puis en fait, on va aussi supporter on va supporter par exemple une équipe de club et puis une autre équipe nationale ou éventuellement deux équipes de clubs différentes si jamais l'une est éliminée, par exemple par le biais des différentes compétitions qui sont en jeu, c'est-à-dire Championnat de France, Coupe d'Europe, Ligue des Champions. Donc ça, c'est assez intéressant. Et selon vous, ça crée finalement, et c'est assez intéressant de le souligner, des identités multidimensionnelles, c'est-à-dire que finalement, ça va trancher avec un nationalisme ou un chauvinisme, ce qu'on peut considérer comme assez positif en réalité. Moi, la question que j'ai à vous poser, c'est que dans ce cas-là, est-ce qu'il n'y a pas non plus un risque en abandonnant cette logique-là, cette logique de club ou cette logique nationale, finalement, que certains joueurs, par exemple, comme Lionel Messi, pour prendre un exemple assez clair, finalement, Lionel Messi, il appartient à qui ? Il appartient avant tout au FC Barcelone. Et c'est un petit peu l'exemple type d'un joueur qui va perdre son identité pour devenir avant tout un joueur de club. Et dans ce cas-là, est-ce que le risque, ce n'est pas qu'avec la perte d'identité, qu'elle soit finalement locale ou nationale, eh bien, on en revienne juste à un football de l'argent ? Alors, il y a deux choses. On peut d'abord parler des joueurs et puis après, on pourra parler des supporters. Je partage l'analyse sur Lionel Messi. Lionel Messi est effectivement de nationalité argentine, mais il est parti très tôt d'Argentine. Il a très vite été recruté par le FC Barcelone. Et finalement, il y a une forme de captation finalement par les clubs, des clubs transnationaux, comme vous l'avez dit. Le FC Barcelone est une très bonne incarnation de ça, c'est-à-dire une captation finalement des joueurs très tôt. Et Lionel Messi est effectivement peut-être plus barcelonais qu'argentin finalement. Et c'est finalement un phénomène qu'on retrouve autour d'autres clubs qui sont capables comme ça finalement de capter très tôt des joueurs, en sachant que les joueurs sont aussi, il faut bien comprendre que la formation du footballeur professionnel aujourd'hui est une formation qui encourage très tôt finalement le joueur à se penser comme pris dans une logique de carrière individuelle. C'est-à-dire, du coup, on touche à un écueil, c'est-à-dire que d'un côté, évidemment, on a des clubs qui veulent faire vivre des collectifs. Le football est un sport collectif, enfin, encore un peu, du moins. Il y a l'enjeu, la nécessité de faire vivre une équipe et un collectif, mais en même temps, très tôt, est intégré par le footballeur professionnel l'idée d'une carrière à construire et d'une carrière individuelle à construire. Et finalement, voilà, on a du coup un rapport des joueurs à leur profession qui est un rapport très individualisé. Et donc, du coup, effectivement, avec des choix de carrière, des choix très individuels, on va miser, et là encore, qui impacte la question de la sélection nationale. On va choisir telle sélection parce qu'on sait qu'on va devenir international et que du coup, en termes de rémunération, en termes d'accès à un certain nombre de clubs, c'est des perspectives très intéressantes. Donc ça, c'est une première chose. Après, il y a la question des supporters. Effectivement, moi, je me suis intéressé à quelque chose qui me semble assez manifeste dans le football d'aujourd'hui. C'est l'idée qu'il y a un découplage entre le lieu où les gens vivent, où ils font leur vie, où ils sont nés parfois, les équipes de football qui retiennent leur attention et qui, même plus que de l'attention et de l'intérêt, qui vont les équipes pour lesquelles les gens vont se passionner. Et effectivement, pour le cas de l'Olympique de Marseille, c'est très, très manifeste parce que alors, la Coupe d'Europe gagnée en 93 y a joué un rôle, mais pas que, il n'y a pas que ça. Mais l'Olympique de Marseille est un club qui est très suivi en France et même à l'étranger. Il faudra voir si le Paris Saint-Germain s'engage dans une voie comme celle-ci dans les années à venir, il y a de fortes chances. Mais des gens qui, par exemple, sont purement parisiens, purement bretons, purement lillois, strasbourgeois ou que sais-je encore, mais qui en même temps se reportent effectivement vers une identification comme ça par procuration autre alternative et qui construisent effectivement des identités plurielles. Et la difficulté, c'est il y a une difficulté à penser ça, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de reproche qui est adressée justement à ces supporters. Est-ce que tout ça est légitime? Est-ce qu'il n'y a pas un déficit d'authenticité? Est-ce que ce n'est pas une perte d'identité? Moi, je ne crois pas, mais voilà. Merci. Je crois que Richard voulait prendre la parole là-dessus. Oui, on vous écoute sur cette même question, Richard. Ouais, je voudrais réagir sur justement le manque de descendants d'immigrés en équipe de France, et notamment d'enfants d'Algériens. En fait, quand on regarde bien en équipe de France, alors que l'immigration, du moins maintenant, c'est les petits-enfants, en fait. Et au fond, en équipe de France, il n'y a jamais eu énormément, à part Zidane, par exemple, d'enfants d'Algériens. Et donc, c'est pas qu'un problème de l'équipe de France, c'est aussi, regardez bien, par exemple, moi je joue au foot en Ile-de-France, mes enfants aussi, et donc, en Ile-de-France, l'immigration algérienne est quand même très massive. Et pourquoi il y a autant de joueurs d'origine algérienne en Ile-de-France quand ils sont petits, et très peu en Ligue 1 et en Ligue 2? Alors, moi, je voudrais rajouter deux explications à ce qu'a dit Ludovic. La première, c'est quand on regarde le travaux des sociologues, et notamment des sociologues qui travaillent sur les enfants d'immigrés, on voit bien que la stratégie scolaire, par exemple, des parents des petits maghrébins, elle est très très forte. Et en général, ils préfèrent que leurs enfants aillent à l'école plutôt qu'ils continuent de jouer au foot. Et la deuxième raison, c'est aussi, il faut s'interroger vraiment sur le recrutement des footballeurs. Les clubs de foot, leurs recruteurs vont en Ile-de-France et prennent systématiquement le même type de joueurs, c'est-à-dire des joueurs très rapides, avec un physique très impressionnant qui se projette vers l'avant. Et quand vous regardez bien, les recruteurs, en général, ne voient pas les joueurs très techniques. Et c'est pour cela qu'au fond, on devrait se poser la question sur le recrutement des clubs également, et le fait que les recruteurs soit toujours privilégié pour prendre le même type de joueur. Non, j'ai pas été très clair, mais... Non, mais c'est vrai qu'on voit cet exemple-là, d'ailleurs, avec Antoine Griezmann, par exemple, qui a été recruté par la Real Sociedad, alors que c'est un joueur... c'est pas la même question, mais on retrouve un joueur, finalement, qui est petit, qui est rapide, qui est vif, et puis il n'a pas été retenu en France, et c'est grâce, en fait, au football espagnol qu'il a réussi à émerger sur la scène. Donc c'est vrai que ça illustre un petit peu votre propos à un autre niveau. Et d'ailleurs, je voudrais revenir aussi sur le football allemand. Le football allemand à la fin des années 90, quand vous regardez bien, ils avaient une équipe qui était vieillissante, avec des stratégies de recrutement qui étaient celles qui étaient à l'époque, et ils ont complètement changé à partir des années 2000. Ils ont ouvert notamment aux enfants de Turcs, puisqu'il y a beaucoup de Turcs en Allemagne, et dans les centres de formation, ils ont pris que des joueurs techniques. Et vous regardez aujourd'hui l'équipe d'Allemagne, c'est une équipe multiculturelle et très technique. Alors, pour continuer cette émission, on va voir avec vous Magic. Oui. La question d'un atelier que vous avez mené avec l'ADAP13. L'ADAP13, on en a parlé, puisque c'est avec Karim que ces tableaux ont été réalisés tout à l'heure. Vous êtes toujours un peu au fait de ces questions de l'exemplarité des joueurs de foot, Magic, et vous avez interrogé ces jeunes, je crois, sur les devoirs des représentants de l'équipe de France. Oui, bien sûr, les spectateurs sont au courant, ils sont passés tout à l'heure, les jeunes, c'est eux qui ont peint les toiles qui ont été mises en vente aux enchères. Ce travail qui a été mené en partenariat donc avec la Friche Radio Grenouille, il est très intéressant, puisque le groupe qui a été monté par l'éducateur Karim Sahraoui, dans le cadre de son travail à la DAP 13, c'est un éducateur social, justement, c'est à la suite, il a monté un groupe d'enfants, une douzaine d'enfants de 9 à 13 ans, un peu plus même pour quelques-uns, juste après les attentats de novembre et de Belgique, et parce qu'ils sentaient bien qu'il y avait une partie de la jeunesse qui pouvait se servir de motifs et de revendications très particulières pour exprimer des idées un peu spéciales sur la question. Et donc il fait tout un travail d'éducation véritablement là-dessus. Il se sert du football parce que c'est hyper connu, parce que les jeunes ici ou ailleurs, mais aiment beaucoup le football, y compris chez les filles, par exemple. Dans ce groupe-là, il y a beaucoup de jeunes filles qui pratiquent ce sport, et donc ils se servent de ce groupe-là pour les éduquer. Et forcément, la question de l'actualité, on en a parlé tout à l'heure, la pression qu'il y a actuellement sur l'équipe de France, eh bien, ça les impacte. Donc, on leur a demandé de compléter la charte de l'équipe de France. Vous savez que l'équipe de France de football a une charte. On leur a demandé de compléter. Et donc, voici ce que doit faire ou ne pas faire un joueur de l'équipe de France selon ce groupe. Je dois être fier de porter le maillot de l'équipe de France. Je peux embrasser mon maillot quand mon équipe marque un but. Je n'ai pas le droit de me moquer de mes adversaires. Je ne dois pas dire d'insultes sur le terrain. Je ne peux contester l'arbitre, sauf si je suis le capitaine de mon équipe. Je peux ne pas être d'accord avec l'entraîneur sans toutefois le manifester. Je ne suis pas obligé d'être d'accord avec les journalistes. Je peux le manifester tout en restant respectueux. Je ne dois pas dire que je suis le plus fort, parce que c'est irrespectueux des autres joueurs. Cependant, j'ai le droit de le penser. Je peux faire une prière sur le terrain, à condition que cela n'entrave nullement le déroulement du match. Je peux faire des clips de rap avec des amis, à condition que le clip ne comporte pas d'images violentes, ni de nudité ou de produits illicites. Je devrais saluer les supporters à la fin du match. Alors brièvement, pour conclure cette première partie, docteur, les invités ont un petit commentaire sur ces... sur cette nouvelle charte proposée aux joueurs de l'équipe de France. Non, très bien, très bien, très bien. Ouais, je trouve ça super. Peut-être juste quelque chose que je voulais dire tout à l'heure, et je voudrais pas trop, enfin je pense que je m'écarte pas du sujet en disant ça, c'est que il y a quand même dans notre pays, il y a quand même une forme de politisation assez malsaine de l'équipe de France de football aujourd'hui. On fait entrer des questions très piégées, notamment identitaires, raciales, autour de questions sportives. Et je trouve que là, il y a une instrumentalisation qui est assez étonnante et même délirante, en fait, du football. Le football est sorti du football très largement. Il y avait une fiction en 98 sur la France Black Blanc Beurre. C'est une pure fiction, une surinterprétation. Et on n'est pas sorti finalement de cette séquence-là qui continue à nous poursuivre et qui produit des choses tout à fait étonnantes. Et comme si le football devait être une sorte de refuge ou de réponse à une société fragmentée politiquement, socialement, culturellement, générationnellement, spatialement. On fait jouer un rôle au football qui est complètement délirant, ça je voulais le dire. Après... peut-être une deuxième réaction par rapport à ce qu'on a entendu surtout, c'est qu'il y a le football de très haut niveau aujourd'hui qui ressemble quand même de moins en moins au football pratiqué par monsieur et madame tout le monde, madame pas beaucoup, mais quand même ça se féminise un peu le football, mais le football qui est pratiqué le dimanche en fait, le football du dimanche. Et le football qu'on voit le mercredi soir, les matchs de Ligue des Champions, non. En fait, finalement, de moins en moins de points communs, en fait. De football qui s'écarte de plus en plus et un fossé qui se creuse. On va faire une petite pause musicale. Docteur, vous avez exhumé pour nous un document mexicain. Il y a 30 ans, c'était l'ouverture du Mondial mexicain. Et oui, il y a 30 ans, le Mondial mexicain s'ouvrait à Mexico, dans le stade Aztecalt. Et on a exhumé cette formidable vidéo qui montre bien comment, finalement, une nation s'efforce de mobiliser des symboles assez divers, au final. Par exemple, on va voir ici qu'on va reprendre la symbolique du jeu de balle des Aztèques ou des Mayas pour présenter, au final, un spectacle mondial qui s'en éloigne beaucoup, avec des propos un petit peu délirants même, mais vous allez voir, c'est assez surprenant. Alors pour reprendre le fil de notre émission, et comme une transition avec la seconde partie, on va de nouveau écouter une partie de l'interview de Stéphane Beau. Il sera davantage question de l'évolution économique du football, comme selon lui l'une des raisons de la stigmatisation des jeunes joueurs. On écoute ça tout de suite. Je pense qu'il y a effectivement des modèles de footballeurs ont changé dans le temps. Voilà, globalement, on a eu pendant très longtemps le footballeur classique qui venait des milieux ouvriers, qui représentait une forme de promotion dans les milieux ouvriers. L'exemple type, c'est effectivement les enfants de mineurs polonais comme Coppa ou italiens comme Piantoni, qui devenaient effectivement des modèles d'identification possibles. La grande transformation, c'est pour ça que moi je me bats un peu contre les lectures un peu racialisantes de ces phénomènes, c'est qu'aujourd'hui, on a changé de dimension économique. Donc il faut revenir, comme toujours, à la question de économique, des transformations du football professionnel. On est passé, depuis notamment l'arrêt Bosman, on a eu une concurrence effrénée entre clubs qui sont devenus des grands clubs privés achetés par des manias industriels du monde entier et qui sont en train, effectivement, comme vous le savez, de pomper des meilleurs joueurs, des footballeurs, des championnats européens et sud-américains. Et donc, on a une envolée des salaires, ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, vous avez raison de dire ça, le footballeur est devenu l'expression la plus aboutie d'une réussite économique absolument formidable. Ce sont des millionnaires, les footballeurs. Je regardais récemment dans l'équipe un portrait d'un joueur que j'aime bien, Mathudi. Bon, on apprend par l'équipe qu'il gagne 750 000 euros net par mois au PSG, mais vous vous imaginez, 750 000 euros net par mois, ça fait plus de 9 millions d'euros quasiment par an, avec, même s'il y a les impôts, ça veut dire que c'est quelqu'un qui par an a un patrimoine de 5 millions d'euros. Donc il y a lui, il y a eu Abriel qui a joué à Marseille puis à Nice, qui raconte dans l'équipe qu'il a 35 ans, c'est un joueur moyen de Ligue 1 qui a joué à Lorient puis qui a fini sa carrière à Nice. Bon, il dit à 35 ans, je suis rentier. Donc moi, j'insiste beaucoup sur cette question-là parce que, bien évidemment, vous avez à la fois toujours l'amour du foot, des gens qui aiment voir des équipes de foot, et en même temps, quand on connaît un peu les coulisses de ces clubs, les salaires de ces joueurs, les unes de France Football sur les transferts miraculeux, etc., vous avez forcément en face de vous des gens qui gagnent des sommes qui sont proprement indécentes. Dondé, on vient d'écouter Stéphane Beau. Je vous laisse poser les bases de notre seconde partie, partie bien plus économique. Alors j'ai de multiples, j'ai pas beaucoup de talents, mais celui de l'Esbrouf, oui, c'est vrai. C'est un que je possède. Oh oui, voilà, vous le maîtrisez. Oui. Je ne suis pas économiste, je vais essayer de mener une discussion serrée avec Richard Duhautois, donc qui est économiste, autour du modèle économique de football, du football. Alors quand on parle de modèle économique du football, il faudrait peut-être le penser déjà au pluriel, puisqu'on va parler de beaucoup de choses. Il existe peut-être beaucoup de modèles économiques, le modèle du football amateur, le modèle du football professionnel, le modèle économique des fédérations, du foot à papa, fait de pizza bière. Et puis il y a aussi une pluralité d'acteurs, des joueurs, des clubs, les collectivités, l'État qui entre en ligne de compte, des sponsors, des entreprises qui gravitent autour du foot professionnel. Donc on a plutôt des modèles économiques de football à des échelles nationales, différenciées en fonction des échelons, et puis aussi des logiques internationales de développement économique du football avec des organismes comme l'UEFA et la FIFA qui gèrent des mannes financières très importantes et qui dictent un certain nombre de règles dans le développement de l'économie du football. Alors une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. On va essayer de serrer d'un peu plus près, notamment autour de la question de l'évolution du football professionnel, l'évolution économique du football professionnel. Et ce sur quoi il me semble qu'on peut tomber d'accord, c'est qu'il y a eu deux dynamiques comme ça qui vont structurer un petit peu le football à partir des années 90 et 2000, qui sont en fait à l'échelle européenne un arrêt qui s'appelle l'arrêt Bosman, qui permet les échanges libérés, on va dire, entre les joueurs de foot au milieu des années 90, et puis l'injection massive de financement avec l'explosion des droits télévisés, notamment, qui contribue à reconfigurer un petit peu et les championnats et les coupes internationales. Alors, moi, je pense que il y a une forme un gros changement, en fait, puisqu'il y a une entrée dans le foot business, pardon, avec énormément d'argent, du coup, qui est mis en jeu là-dedans. Grosso modo, on peut dire que ça fait partie d'une évolution ultralibérale du capitalisme à l'échelle mondiale qui touche énormément d'aspects. Et le football, finalement, intègre un certain nombre de ces mécanismes-là en termes de fonctionnement et parfois les exacerbe, qui aboutit, selon mon point de vue, à un certain nombre de dérives que je peux lister rapidement, qui notamment des sortes de nuisances à l'équité sportive avec un groupe de super clubs qui est autonomisé en fait des autres équipes, qui contribue à creuser les inégalités entre footballeurs, notamment salariales, entre clubs, ce dont je viens de parler, à donner aussi une image des footballeurs complètement déconnectés de la réalité économique que vivent la plupart des gens. Il y a aussi des phénomènes de corruption, une saturation médiatique et publicitaire liée au football, la multiplication des intermédiaires. Bref, on peut lister un petit peu tout ce qui peut, selon le point de vue, s'apparenter à des dérives ou au contraire à tout simplement contribuer au développement de l'économie nationale ou internationale. Donc qui dit dérive du football dit évidemment, selon notre point de vue, recherche de solutions, donc Footopie. C'est vrai qu'on s'intéresse du coup à des modèles économiques alternatifs. Alors existe-t-il aujourd'hui? Dans quel cadre? Est-ce qu'il faut les penser dans le cadre d'une évolution du système actuel ou hors de ce système-là? Je crois qu'on a un sujet qui, pour lancer ça, qui traite de la démocratie corinthienne. Oui, des Corinthians, pardon, donc ce club de foot au début des années 80, donc au Brésil, qui est représenté par le joueur symbole qui est Socrates. Donc voilà, qui met en jeu en fait un modèle alternatif politique qui va finalement permettre de développer aussi d'autres aspects de modèles alternatifs économiques. Donc peut-être qu'on peut regarder ça. Voilà, on va montrer un extrait du film Les Rebelles du foot, film réalisé par Gilles Roff et Gilles Pérez, qui divise ce film en 5 portraits, dont un est destiné à Socrates et à cette expérience de la démocratie corinthienne. Et on va voir que de cette conscience politique naît peut-être un autre fonctionnement possible de club et donc un fonctionnement économique. On regarde ça. Démocratie corinthienne, on va définir ça. Donner une définition de la démocratie corinthienne. La démocratie corinthienne fut la voix du sport brésilien. La démocratie corinthienne fut la voix du football, la voix du sport, en lutte pour la redémocratisation du pays. Jusqu'à cette époque, nous étions des esclaves. Les footballeurs professionnels étaient des esclaves. Puis est arrivée la démocratie corinthienne. On a eu la chance de réunir un groupe qui avait une conscience politique, une conscience de ses devoirs, et surtout une conscience de ses obligations. La démocratie corinthienne a réuni à cette époque, dans des circonstances historiques, un médecin intelligent et très talentueux comme joueur, Socrates, un jeune rebelle de 19 ans qui s'appelait Casagrande, un chevelu qui, au moment où il a été champion avec les Corinthians, a même été arrêté pour possession de marijuana. Un joueur noir très sympathique, intelligent, qui s'appelait Vladimir. Et un sociologue issu de l'université de São Paulo, Adilson Monteiro Alves, qui n'avait aucune expérience comme président d'un club de football et qui a assumé la direction sportive de l'équipe. Et comment on va faire? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je sais ce qu'il ne faut pas faire. Je sais qu'il ne faut pas continuer comme aujourd'hui. Il faut arrêter avec l'autoritarisme. Il faut arrêter avec le conservatisme. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va le définir ensemble. Le club n'est pas seulement un joueur. Tout le groupe, les masseurs, les intendants, les médecins, les préparateurs physiques, les entraîneurs, tout le monde avait une voix. Et la majorité emportait la décision. Se diriger soi-même. Débattre. Partager des idées. Voter. Un homme. Une voix. Le football comme laboratoire de ce que devrait être la vie. C'est beau. Mais en pleine dictature militaire, fallait être fou pour y croire. Alors, le vendredi et le samedi, on invitait pour déjeuner des grands compositeurs, des chanteurs, un grand peintre, un grand architecte, un grand cinéaste pour discuter. Et Socrates était enchanté. S'il participait beaucoup à la conversation, le dimanche suivant, il était très bon. Os outros times são torcedor, um corintiano é militante. Ou seja, ele acredita mais, ele briga mais, ou seja, ele não é Corinthians quando é campeão. Ele é Corinthians quando perde, ele é Corinthians quando empata, ele é Corinthians quando ganha. Ou seja, nós, na verdade, nos sentimos a razão de ser do Corinthians. Porque a democracia corintiana... A democracia corintiana, c'était du football, mais pas seulement du football. La démocratie corinthienne a matérialisé le rêve de chaque Brésilien d'échapper à la dictature et de voir revenir le suffrage universel direct. Et foi um momento que o Corinthians ganhou muita coisa. Então eu acho que a democracia corintiana foi um exemplo. Obviamente que os cartolas, sabe, falavam mal, que alguns cronistas esportivos que não gostava da democracia falavam mal. Escreve na camisa e vamos jogar. Ele tinha escrito sobre nosso maiô, democracia corintiana. C'était un défi pour nous et ça nous attirait beaucoup de sympathie de tous les joueurs des autres clubs. Tout le monde voulait venir jouer au Corinthians. Nós entramos em campo. On rentre sur le terrain devant 40 000 personnes. Avec une banderole qui dit vaincre ou perdre, mais toujours avec la démocratie. Et ce collectif a porté sa fraîcheur dans le football brésilien. Une fraîcheur comme il n'y en avait jamais eu dans le football brésilien. Et ils ont eu le courage de rentrer sur le terrain un jour de finale du championnat avec cette banderole. Vaincre ou perdre, mais toujours avec la démocratie. Foi um sucesso, foi maravilhoso, maravilhoso. Cela a été un grand succès. Cela a été merveilleux. Com essa bandeira. Cela a été magnifique de rentrer avec cette banderole et ainsi d'aider à mobiliser la population brésilienne en faveur des élections présidentielles directes. Então era um orgulho. Tout le Brésil a soutenu ce mouvement. Nous étions fiers de participer à éveiller la conscience politique du peuple brésilien. Richard Duhautois, c'est à vous d'officier maintenant. J'imagine que vous avez beaucoup de choses à dire, non seulement par rapport à ce que Dondé a dit pour introduire cette partie, et puis par rapport aussi à cet extrait sur l'expérience corinthienne. Exactement, et aussi par rapport à ce que Stéphane Beau a dit. Oui. Bon, alors je vais juste réagir sur la démocratie corinthienne. Il me semble quand même que c'était une époque très particulière où les footballeurs étaient encore plus esclaves que ce qu'ils sont aujourd'hui. Et sous une dictature particulièrement terrible. Alors après, je voudrais surtout réagir sur tout ce qui est aspect économique. Alors Stéphane Beau a souligné qu'en effet, c'était l'arrêt Haussmann qui avait tout changé. Mais en fait, ça a permis le changement. Parce que ce qui a permis au foot d'évoluer comme il a évolué, c'est le dérèglement du marché de l'audiovisuel, comme tu as souligné. C'est-à-dire que dans les années 80, en fait, les monopoles publics sont devenus des entreprises privées. Et il y a eu une concurrence entre chaînes. Alors je dis ça, c'est que sans l'argent et sans la manne financière de la télévision, l'arrêt Haussmann, au fond, ça aurait pas changé grand-chose. Alors je peux vous donner un exemple, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais jusqu'en 1969, les footballeurs avaient des contrats à vie, comme on dit. Ils étaient liés à leur club jusqu'à leurs 35 ans, c'est-à-dire toute leur carrière. Et il y a eu des grèves, qui ont duré quelques années. Et à partir de 1973, ils ont pu avoir les premiers CDD. Et évidemment, à cette époque, la télévision n'était pas encore massivement représentée comme elle l'est aujourd'hui. Et c'est pas parce que, en fait, les footballeurs ont eu des contrats à court terme que beaucoup ont changé et que le football s'est transformé. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le football, il s'est transformé à la fois avec la manne financière des droits TV et, en effet, la libéralisation du marché du travail des footballeurs. Alors, je voudrais aussi revenir sur l'histoire des salaires, si vous me permettez. Alors, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que disait Stéphane Beau, parce qu'on a vraiment une vision complètement biaisée de ce que c'est la carrière et le salaire moyen d'un footballeur. En effet, Au fond, il y a deux types de footballeurs sur le marché du travail. Il y a les stars qui gagnent énormément d'argent mais qui ne représentent que 5%. Et puis vous avez tous les autres qui ont des carrières très très courtes avec des salaires qui ne sont pas si élevés que ça. Et d'ailleurs, il suffit de regarder ce que deviennent les footballeurs. Alors c'est vrai que c'était une autre époque, mais par exemple, là on est en train de faire un travail sur la retraite des footballeurs qui sont nés dans les années 60-70. Et je peux vous dire que la plupart d'entre eux sont obligés de travailler pour pouvoir survivre. Et même certains d'entre eux n'ont pas retrouvé de travail. Donc c'est quand même un petit peu complexe de jeter la pierre comme ça aux footballeurs. Et puis, de toute façon, il y a tellement d'argent. Vous voyez, c'est pas du tout comme les patrons du CAC 40 qui en font négocier avec leurs actionnaires pour avoir du travail. Là, c'est vraiment, ils récupèrent quand même une partie de l'argent qui est en jeu. Et moi, personnellement, je trouve ça normal qu'ils récupèrent une partie. Des... À vous la parole. Je crois que Ludovic voulait réagir sur la démocratie corinthienne. Pas forcément directement sur cette expérience menée au Brésil, qui a bien été commentée auparavant, mais pour dire que des formes, finalement des modèles économiques alternatifs, il y en a en fait. En tout cas, ils sont portés, il y a un modèle qui est porté par le courant, on pourrait parler d'un courant de l'actionnariat populaire, qui se développe quand même significativement en fait depuis les années 90. D'abord autour de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne, de l'Angleterre en particulier, et puis du modèle espagnol avec les socios, et qui arrive en France depuis plus récemment, porté d'abord par l'expérience de Alain Nantes, qui est un collectif qui cherche à intégrer, à avoir une participation finalement dans le capital du club, et qui l'actionnariat populaire porte des revendications de bonne gouvernance, de saine gouvernance et de transparence et de démocratie là aussi dans le fonctionnement des clubs. Oui, pour rebondir sur ce que vous disiez, Ludovic, en fait moi j'ai l'impression quand même que finalement l'évolution économique du football professionnel ne peut se faire qu'à la marge. Les exemples, si je ne m'abuse, que vous citez concernant le football anglais, c'est quand même des clubs de 4e, 5e division. Bon, le championnat professionnel est beaucoup plus... Il y a beaucoup plus de niveaux qu'en France. Mais néanmoins, et de la même manière, en fait, les clubs de socios participent à la gestion du club, mais ils ont un pouvoir qui est extrêmement restreint. Bah, du coup, la question, c'est est-ce que du moment qu'on parle d'alternative et de foutopie économique au modèle actuel, est-ce que c'est... On ne peut que le penser à l'intérieur du système actuel en essayant d'améliorer un certain nombre de points. Ou est-ce qu'il existe des cas avérés de gestion au plus haut niveau, de type d'un actionnariat populaire, d'une autogestion par les joueurs, les supporters? Moi, j'en ai pas trace. Non. Et j'ai l'impression... Non, effectivement. En Angleterre, c'est plutôt des clubs de second rang, comme vous l'avez dit, de 3e, 4e division, mais certainement pas de première ligue. En Allemagne, c'est un peu différent parce qu'il y a un modèle qu'on appelle du 50+1, c'est-à-dire que les clubs se sont transformés dans les années 90, mais avec l'obligation, à part quelques cas singuliers, mais l'obligation finalement d'appartenir en quelque sorte à l'association mère qui doit détenir 50% des parts plus 1, plus une voix en quelque sorte. Mais oui, effectivement, c'est plutôt à la marge. Et le football est traversé de logiques capitalistiques très puissantes, donc c'est extrêmement compliqué de lutter contre ces logiques-là. Alors du coup, pour rebondir sur ça, vous posez une question à Richard Duhautois. Est-ce qu'on peut considérer les footballeurs comme une marchandise comme une autre, ou est-ce que c'est une marchandise d'un type un peu particulier, auquel cas la valeur talent serait une notion qui permettrait de définir finalement le type de marchandise que représente un footballeur. Avant de répondre à votre question, je vais plutôt rebondir sur l'histoire de l'actionnariat. En fait, moi, je pense que c'est plutôt totalement l'inverse qui se passe. Parce qu'au fond, les seules réelles entreprises qui étaient des sociétés anonymes, c'était dans le championnat anglais dès le début, à la fin des années 1890. En 1923, en Angleterre, c'était que des sociétés anonymes, alors que dans les autres championnats, c'était plutôt des associations. Et au cours des années 90, tout s'est transformé. les associations de la loi de loi de 1901, comme pour les clubs français, se sont tous transformés en sociétés anonymes sportives professionnelles qui permet de donner des dividendes. Dans le championnat espagnol, dans les années 80, c'est exactement pareil. Alors les socios, en fait, sur les 20 clubs de Liga, il y en a 4 clubs qui ont des socios. Et alors, pour l'histoire du championnat allemand, c'est exactement pareil. Il s'est professionnalisé très tard, en 1963. Et en fait, c'est simplement une loi qui a permis aux entreprises de passer de statut d'association à entreprise mixte, du moins public-privé. Et donc, on voit bien que la transformation se fait plutôt dans l'autre sens, a priori. Alors, sur l'histoire de la marchandise, je ne sais pas comment bien vous répondre, mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est sur le talent. Il y a ce qu'on appelle l'effet superstar. Donc, je ne sais pas si c'est ce que vous aviez en tête un petit peu. Donc, par exemple. Voilà. L'effet superstar, qu'est-ce que c'est ? C'est vous avez des footballeurs qui ont des talents et vous avez des footballeurs avec des talents très, très proches. Celui qui est un petit peu à gauche de la distribution, il va gagner une fortune. Et celui qui est juste à droite, il ne va plus rien gagner. Et en fait, c'est lié, encore une fois, à la médiatisation et à l'évolution de l'audiovisuel qui fait que, au fond, des joueurs à talent quasiment identiques vont avoir des salaires très, très, très différents. C'est des fois lié aussi au poste occupé sur le terrain. Alors, en effet, on sait très bien que les attaquants sont mieux payés que les milieux, qu'ils sont mieux payés que les défenseurs, ils sont mieux payés que les goals. Donnez une dernière question, peut-être ? Oui, alors une question plutôt originale, enfin, j'espère. Je me demandais si finalement une des solutions, c'était pas d'inverser la hiérarchie des valeurs ou de la valorisation des compétences des joueurs de foot. Est-ce qu'on pourrait pas imaginer que finalement le plus gros salaire ne serait pas le joueur qui est le plus sympa dans l'équipe ou celui qui fait le plus de passes, etc. Est-ce que finalement, on n'est pas juste confronté à un modèle économique dominant, généralisé, qui s'applique au football, tout simplement ? Peut-être que vous avez raison. Alors, pour répondre indirectement à la question, il y a des études qui montrent, par exemple, qui s'intéressent à la dispersion des salaires sur les performances des équipes. Donc ça, c'est pas du tout stable. Il y a des études qui montrent que plus les salaires sont dispersés, meilleure est l'équipe. Et au contraire, plus ils sont concentrés autour de la moyenne et plus ils sont performants. Ça dépend des championnats, en fait. Docteur, c'est à vous la parole. Maintenant, on va finir cette deuxième partie économique en votre compagnie avec la traditionnelle chronique. De quoi allez-vous nous parler, cher docteur ? Cette chronique s'intitule « Foot bio ». Allons-y. L'engouement généralisé pour les énergies vertes est-il transposable au football ? Pourra-t-on ainsi bientôt exiger d'un footballeur qu'il soit biologique ? Ou prendrait-on le risque, en les labellisant, de cantonner ces nouveaux sportifs bio aux étals les moins visibles des magasins, quitte à perdre en production chlorophyllienne, ce qui serait hélas dans notre optique contre-productif. Le foot est avant tout une rencontre, une saveur unique, une histoire de bon goût, une fusion presque charnelle entre des joueurs bioniques et leur cam. Pris sur le fait à la mi-temps des matchs, Nicolas Anelka, la petite coqueluche des bien-pensants, esquisse ainsi des efforts démesurés pour articuler péniblement qu'on peut manger plein de danettes, en compagnie d'un Wiltord à vrai dire plus facile. Le même Anelka officiait au passage chez Quick, quand un autre divin chauve, Barthez, vantait lui les mérites du Big Mac. Ces exemples parmi les plus marquants en leur genre témoignent bien d'une qualité requise chez ces intervenants confessant leur péché mignon, celle de présenter un crâne absolument glabre. Et quand Zidane boit de l'eau de source des volcans d'Auvergne, il avalise encore les soupçons sur les liens opaques existants entre agroalimentaire et capillotractation. Mais notre principale préoccupation ne tient pas tant à l'apparence, ni aux qualités organoleptiques, mais bien à la substance, à une essence de ce football qu'on ne souhaiterait point trop non plus empreinte de bioéthanol. En effet, selon le strict règlement de l'élevage biologique porcin, si un porc charcutier reçoit plus de 2 traitements allopathiques, dont un antiparasitaire, il ne peut être vendu sous l'appellation biologique. Alors, pour s'inspirer de ce règlement draconien, comment évaluer que le footballeur n'a pas été perverti ? Comment s'assurer, pour rassurer les consommateurs que nous sommes, que nos braves représentants en crampons ne traînent pas telle ou telle maladie vénérienne ? Et bien sûr qui ? Pour labelliser les intouchables, sinon des marques de sport, des bouquets médiatiques ou des marchands de rasoirs. Tout comme les billes qu'ils réclament à grand renfort de testostérone, les sportifs sont des homo iétabilis, des uns recyclables. Au-delà du dopage, illégal ou légal, l'alimentation des footballeurs joue nécessairement elle aussi un rôle majeur dans l'affaiblissement d'un organisme confronté dès l'école maternelle à Sodexo. Né à Marseille en 1963, l'Empire Sodexo, qui s'est récemment diversifié à la gestion d'établissements pénitentiaires, a surtout parachevé la transformation des aliments en produits et de la nourriture en armes de jet. Phénomène désormais ancré dans les consciences nutrito-politiques de notre progéniture, pour qui le célèbre Paris Camembert n'est plus une course cycliste, mais bien une enchère concernant un possible record de distance du jeune Dylan dans le rôle du disco-ball de Babybel. Toutefois, l'apprentissage de la remise dans l'axe du rondelet, du jonglage à la golden ou du corner à la tomate, heureusement fait d'une manière propre à résister aux pressions les plus sadiques, constitue assurément un gage d'avenir pour la seule formation professionnelle désormais envisageable dans notre système éducatif, celle des footballeurs. Là encore, la tendance au colorant permet d'obtenir, au sortir de ce gavage avorté, des sols de cantine harmonieusement verts, couleur alimentaire à laquelle nos jeunes générations continuent à vouer une haine sans nom. C'est ainsi que, préempté par des usurpateurs comme Sodexo, le bio se retrouve lui aussi piégé dans la culture du risque, de la suspicion, de l'autocritique même, avec pour les footballeurs un épouvantail, celui de passer de la ferme des célébrités à celle des animaux, pour dire simple, au totalitarisme porcin décrit par Orwell. Bref, si nos footeux commençaient à prendre à cœur ce rôle de modèle, s'ils en venaient à devenir des spécimens aux pratiques alimentaires irréprochables, à se prendre pour des justiciers de la malbouffe, en adossant une tunique floquée d'un Zlatan, on pourrait alors se faire un sang d'encre, en songeant à un régime dirigé par Tonton Pat, Patrice Evra, doyen du Cénacle, Alain Poher en short, remplaçant au pied levé d'un Hugo Lloris soudainement déchu suite à une crevaison en Lamborghini. Le football est intemporel, parce qu'il part souvent avec un coup d'avance, en l'occurrence son emballage. La pelouse est verte, et la fin promise du round-up n'y changera rien. À moins qu'une équipe de Martiens ne vienne à imposer des pelouses couleur sang, moyennant une passe intergalactique avec Blatter, Platini ou maintenant Infantino, prouvant ainsi que les environnements sanglants sont favorables à la germination des grosses légumes. Mais je laisse aux coachs et à nos invités le loisir de nous professer le football de demain. Ce petit clip de Daft Punk, comme pour nous emmener directement vers la troisième partie de cette émission, une troisième partie où nous devions avoir un invité, Fabrice Jumel, roboticien. On devait se projeter dans l'avenir technologique du football avec vous, coach, mais il n'est pas là. Il n'a pas pu venir avec nous, il s'excuse. C'est une partie où on va un peu anticiper. Des gens réfléchissent aujourd'hui, coach, vous allez nous le raconter, à l'avenir robotique du football. Mais nous, on a déjà constaté au préalable que l'humain se robotisait déjà un petit peu. On a rencontré ensemble un statisticien en début de semaine. Oui, nous avons rencontré Jorik Fage, qui est analyste vidéo, qui est plutôt quelqu'un qui n'a pas vraiment une formation scientifique pure et dure, mais qui a une formation de STAPS, qui a joué en CFA2 à Béziers, et qui a finalement exercé divers emplois, et qui a notamment été analyste vidéo au Havre Athletic Club, le club de foot. Donc je propose en fait qu'on écoute un petit peu ce qu'il nous a raconté. Concrètement, le coach me demandait d'analyser les performances des joueurs, que ce soit au niveau collectif ou au niveau individuel. Savoir qu'est-ce qu'ils avaient fait pendant le match, qu'est-ce qu'ils devaient reproduire, qu'est-ce qu'ils devaient corriger. Encore une fois, que ce soit du côté collectif ou individuel. Donc tout le jeu était analysé de A à Z. En fait, l'analyste est là pour être les yeux du coach et pour proposer des rapports, faciles en lisibilité pour que le coach ait accès à des données. le coach peut créer, donne ses critères et l'analyste s'adapte, crée une grille d'analyse adaptée et qui permet, si vous voulez, d'aller récupérer des vidéos ou des données très pointilleuses et que le coach a besoin donc, pour servir pour son équipe. Un recruteur aujourd'hui dans un club professionnel, quand il va recruter un joueur, il va s'appuyer sur des données. S'il recrute un attaquant, généralement, ça va être sur ses passes décisives, sur son nombre de buts. Mais après, c'est sur ses caractéristiques et comment il peut s'imprégner dans son équipe et comment il peut adhérer à sa philosophie de jeu. Il y a des statistiques générales qu'on voit tous les jours, dans tous les matchs, qu'on soit le temps de possession, le nombre de tirs, le nombre de centres. Mais voilà, on parle de la possession. La possession en général, ça ne sert à rien. Ça veut dire qu'une équipe peut avoir 80% de possession, mais fait la moitié de ses passes ou trois quarts de ses passes dans son camp. Dans ce cas, elle avance jamais, ça ne sert à rien. Donc, si on veut parler de possession, juste un petit critère, possession dans le camp adverse, possession dans les 30 derniers mètres adverses. Déjà, on passe sur quelque chose de plus pointilleux et de plus pertinent. Si on parle des centres, le centre tout court ne m'intéresse pas. Quel centre, à quel endroit, qui a centré, pour quelle réception, à quel endroit et comment était le centre. Donc on peut aller détailler tous ces stats de façon pertinente. Aujourd'hui, le jeu se programme de plus en plus, mine de rien, parce que voilà, on parle beaucoup de système, on parle beaucoup de composition d'équipe. Après, l'objectif, c'est que c'est les joueurs qui s'adaptent sur le terrain. Quand vous travaillez sur l'adversaire, vous allez essayer de comprendre ce qu'ils font, ce qu'ils essaient de reproduire le plus souvent pour essayer de parer à ça. Mais après, encore une fois, c'est bourré d'incertitudes. Toutes les situations, les configurations de jeu sont différentes. Et l'objectif, c'est que le joueur, lui, sur le terrain, arrive à s'adapter et devienne intelligent. En fait, il faut que le joueur ait une certaine intelligence de jeu pour s'adapter aux configurations de jeu qui s'enchaînent et qui changent en permanence dans le jeu. En tout cas, on est dans une société qui chiffre. On n'est que dans la donnée. Donc après, ça se joue au ressenti. Et encore une fois, des joueurs ne peuvent pas avoir forcément de bonnes stats, mais peuvent être performants sur le terrain ou avoir un profil qui correspond au système de jeu ou à la philosophie de jeu qui est mise en place. Mais non, il ne faut pas arriver à la robotisation. C'est du sport, il faut laisser place à la créativité et du joueur. Et n'oublions pas que c'est ce qui fera la beauté du sport. Jorik Fage nous dit qu'il ne faut pas arriver à la robotisation du joueur. Pourtant, nous, avec le coach, en l'interrogeant, on lui posait quand même cette question-là et j'avais envie de vous la poser à vous aussi, nos invités, Richard et Ludovic. Avec ces nouveaux membres du staff, ces analystes de statistiques, de données, de data-données et même de données physiologiques, les joueurs sont maintenant suivis par GPS à l'entraînement, etc. Est-ce qu'on ne va pas vers aussi un football beaucoup plus systématisé ? J'ai envie de dire ça comme ça. Il y a des formes de rationalisation de la préparation des joueurs qui sont manifestes. Et ça va dans cette logique-là, finalement, d'un processus de rationalisation de plus en plus fin, finalement, de la préparation des joueurs et de la mesure de leur performance. Chose qu'on voyait déjà dans les sports américains finalement, la NBA, la production de statistiques, le football américain également, et finalement qui arrive en Europe et dans le football. C'est une réflexion là que je me fais en écoutant tout ça, c'est la possible influence finalement aussi des jeux vidéo en fait sur le football moderne, une forme de PlayStationisation si vous pouvez dire ça comme ça du football moderne avec effectivement beaucoup de stats et du coup aussi un rapport très individualisant à la performance. Voilà ce que ça m'inspire. Richard, un commentaire là-dessus? Ben nous, en France, on est un petit peu en retard sur l'aspect utilisation des statistiques dans le foot, parce que les clubs anglais, notamment, ça fait longtemps qu'ils le font. Et je pense que Arsène Wenger est un fan de statistiques. Alors, évidemment, moi, je m'en sers souvent des statistiques, donc je ne vais pas non plus cracher dans la soupe. Simplement, c'est vrai qu'il faut savoir les utiliser. Alors, juste une petite boutade, comme on est entre nous, par exemple. A-t-on plus de chances de marquer sur un corner rentrant ou sur un corner sortant ? On a envie de dire rentrant, mais bon. sortant. Eh ben non, c'est rentrant. Et en fait, on a plus de chances de marquer sur un corner rentrant, mais on se rappelle plus des buts sur les corners sortants. C'est pour ça qu'on se trompe souvent, parce que c'est des plus beaux buts. Alors que les corners rentrants, c'est toujours des buts un peu de raccro, etc. Des déviations. Des déviations, exactement. Et la probabilité de marquer en dehors de la surface. Coach, vous allez pallier à l'absence de... Ah pardon, c'est une vraie question. Probabilité de marquer en dehors de la surface. Moi, je dis, je sais pas... 5%. Non, c'est 15%, 15-20%. Ça dépend des championnats. Si c'est en Allemagne, c'est 45%. Si c'est en France, c'est 2%, je pense. Non, en général, c'est autour de 12%. Ouais. Et bon, allez, une dernière pour s'amuser. Pardon. Quelle est la probabilité de marquer sur corner ? 0,23. Non, il y a très très peu de buts, contrairement à ce qu'on imagine. C'est 0,02. En fait, une équipe marque un but sur corner une fois tous les 10 matchs. Voilà, donc l'histoire de Christian Jean-Pierre, un corner intéressant, ça veut rien dire du tout. Est-ce qu'on siffle plus de pénaltys pour le club de la capitale que pour les autres équipes ? C'est une statistique intéressante. J'ai pas entendu. Est-ce qu'on siffle plus de pénaltys pour le club de la capitale plutôt que pour les autres équipes ? Quel club de la capitale voulait dire le PFC ? Le Red Star peut-être. Coach, on enchaîne. Vous allez, je disais, pallier à l'absence de notre invité Fabrice Jumel pour évoquer la RoboCup. La RoboCup, qu'est-ce que c'est ? Donc avec Fabrice Jumel, on devait évoquer donc la RoboCup, qui est un tournoi de robotique qui a lieu chaque année, qui est en fait un événement quand même organisé par des universitaires et des chercheurs avec leur groupe de recherche, correspond finalement à plusieurs ligues. Il y a notamment une RoboCup Soccer, mais il y a aussi une RoboCup Rescue, une RoboCup Atom et une RoboCup Junior, etc. Et l'idée, c'est quand même de balayer assez large voilà, les potentialités de l'intervention de la robotique dans la vie quotidienne et dans la vie sociétale. Donc avec lui, l'idée, c'était d'aboutir à une discussion où on imaginait un match entre une équipe d'êtres humains et une équipe de robots en 2050. De robots totalement autonomes, s'entend. Donc il n'est pas là pour le faire. Du coup, j'ai écrit une petite histoire en deux parties. Alors je ne sais pas s'il serait possible de diffuser les images de la RoboCup en même temps. Alors c'est dommage que les invités ne puissent pas les voir, mais... C'est parti, mon cher coach, allez-y. Donc j'ai appelé ça « Penser avec la science-fiction ». Donc la première partie, c'est le match. Donc en poste avancé côté gauche, CR7 reçoit le ballon au milieu de terrain. Tous les datas sont au vert. Il s'élance et demi-tour sur lui-même, déborde son premier adversaire. Il ne s'engouffre pas dans la brèche. La brèche, c'est lui. Caresser et fouetter le cuir, faire son petit numéro de scène. Iconicité et intensité, c'est son truc. Tactique de flipper chaud bouillant. Double contact, flip-flap, fin de corps, râteau roulette, grand pont. Et pas moins de 7 passements de jambes. Oh putain, le ballon a une telle sensibilité ce soir. Puis encore accéléré à l'approche de la surface de réparation adverse. Il crochette d'abord à toute vitesse le stopper, en plongeant vers l'intérieur du terrain, puis le libéro dans la foulée par l'extérieur. Sans ralentir sa course, il entre dans la surface de réparation et envoie une patate banane qui torpille les gants du gardien. Goal ! CR7 saute face caméra, jambes écartées et coups de rein pour se secouer les bourses, les bras en croix comme le Christ, le tout dans un rugissement. Au final, cela fait 3 pions pour ce soir et 50 pour l'exercice en cours. Une bonne année. Il a hâte de jouer sa première Coupe du Monde. Partie 2. Le vestiaire. Le match plié, CR7 effectue son entretien avec Al 900, le technicien japonais du club. Son jeu apparaît de moins en moins systématique. Son indice de créativité augmente. Son autodéveloppement se passe bien. Sa fonction s'opère dans le play plus que dans le game. Son jeu individualiste donne paradoxalement l'impression de sublimer la dimension collective de la discipline, tout en apportant la preuve concrète et visuelle que le football est quelque chose d'assez simple quand on comprend que l'objectif est d'aller vers le but pour marquer. Plus que tous les autres solistes, il rend quasiment tous ses coéquipiers dangereux car il focalise l'attention adverse. Naïveté et créativité, fantasme et dissuasion. C'est ce qu'incarne l'intelligence artificielle robotisée encore à ce jour. Et c'est ce qui rend un modèle du bot comme CR7 d'autant plus opérationnel. Sa préhistoire commence avec les prototypes aspirateurs de la RoboCup Soccer. Puis débarquent sur le terrain les premiers robots humanoïdes autonomes qui prennent le corps humain comme modèle, le foot comme médiation. tout en résonance symbolique, et propose aux spectateurs des simulacres de vie ébauchés aussi excitants que décevants. Puis, les intelligences artificielles évoluèrent de manière exponentielle dans leur autonomie. Leurs formes et interfaces vont dans le réalisme pousser le plus loin possible. Les investissements industriels qui misaient sur la copie humaine pour des raisons économiques furent dépassés par leur pouvoir de fascination. Avec une créature anthropomorphique s'instaure une parade d'approche quasi nuptiale entre attraction et répulsion. En quelques années, tout se précipita au-delà des hypothèses et des imaginaires des concepteurs de robots. Le monde contemporain fut rattrapé par le XXIe siècle et sa logique vitale d'inventer et construire une identité commune qui exclut la relation dialectique possesseur-chose, utilisateur-machine. Le futur est à présent plus qu'idéologie romantique et discours prothétique. C'est devenu un temps réel totalement inouï et profondément inédit, un véritable point de non-retour dans l'histoire de l'humanité. La robotique est alors en droit de prétendre à part entière au rêve d'intégration et d'harmonie sociale universelle. Elle promet même plus que cela, un animisme technologique. Elle est devenue aujourd'hui, en 2050, une espèce vivante à part entière dans laquelle le meilleur des hommes rêve de se reconnaître. Face à des intelligences et des plastiques comme CR7, l'humanité est devenue une communauté quelconque. Merci, merci beaucoup, coach, pour cette belle vision du futur. Chers invités, est-ce que vous croyez, vous... Alors, d'abord, une question à vous, coach. Jumel, Fabrice Jumel, travaille à ça, lui, actuellement, ou du moins, il analyse ça. À quand est-ce qu'il évalue la possibilité que des robots puissent battre les humains en football ? Ben, c'est-à-dire qu'au niveau donc, de la Robocop Soccer, ils se sont partis de la défaite de Kasparov aux échecs contre Deep Blue en 1997. Sauf que pour un robot, finalement, chaque geste minime qui paraît finalement naturel pour l'être humain et qui prouve que finalement la mécanique biologique quand même est vachement bien foutue, chaque geste est extrêmement compliqué à mettre en œuvre. Donc le temps de projection était vraiment de 2050. Là, le 2050 en question, c'est quelque chose qui a été posé comme hypothèse, mais scientifique, comme hypothèse de travail par la Robocup. Alors on prend les paris ce soir avec vous, chers invités. Est-ce que vous croyez à la possibilité qu'une équipe de robots puisse vaincre une équipe de joueurs de foot humains ? Ludovic. Waouh. En 2050, j'entends. Hein. Ça me paraît quand même... J'arrive pas à me représenter ça. J'ai du mal à me représenter ça. Comme si un peu, finalement, le jeu n'était qu'une suite, finalement, de comportements et de choix prévisibles et rationnels, enfin, qu'on pouvait mettre en algorithme, en quelque sorte. C'est effrayant, c'est effrayant. Je suis moi-même ancien joueur de football et j'ai tendance quand même à croire qu'il y a une intelligence de l'instant en fait quand on est joueur de football. Alors effectivement, le très haut niveau, c'est la capacité à faire des choix, le bon choix très rapidement. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a une sorte d'intelligence et de création de l'instant et j'ai du mal à me représenter le fait qu'on puisse mathématiser ça en fait. Et donc... J'ai bon espoir que l'humain résiste le plus longtemps possible. Richard ? Non, moi j'y crois pas tellement, parce que le foot nécessite une formation très longue et une technicité particulière. Et c'est un sport qui est quand même qui marche sur le côté aléatoire. Donc je pense que préserver le côté aléatoire fait que les hommes battront toujours les robots. Allez, une dernière petite pause musicale. C'est des bâtons d'Anguirou. Nous sommes en direct de la friche La Belle de Mai pour cette spéciale Footopie. Un public en délire, des invités surchauffés. C'est l'heure de la quatrième partie avec vous, Magic. Mais oui, avant ça, on va passer une petite annonce. D'abord, faire de l'autopromotion, rappeler l'édition de Des bâtons d'Anguirou, un ensemble de chroniques magnifiques aux éditions Vanloo, à la vente ce soir à la salle des machines pour le modique prix de 9 euros. L'éditeur est là et nous le saluons. Ensuite, le tournoi Footopique qui aura lieu à l'issue de cette émission. Les inscriptions sont ouvertes. Vous pouvez vous rendre à la guitoune de Adam qui est prêt à vous accueillir. Vous inscrivez vos équipes. On va vous expliquer les règles. D'ailleurs, Magic vous expliquera les règles dans la suite de cette émission. Mais cette émission ne saurait être complète sans parler des règles, les règles du jeu. Ça, vous y êtes attaché, Magic. Oui, enfin, vous m'avez demandé de faire en une minute l'histoire des règles du jeu du football. Vous avez une minute 50, Magic, c'est un peu plus. Ah, j'ai quand même réussi à négocier 50 secondes. Mais écoutez, c'est impossible. C'est impossible. Le football a connu une évolution très rapide dans ses règles. Et je ne peux pas faire ça. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, les cages de football. Vous savez qu'au départ, quand le football a été inventé, il était très très proche du rugby et les cages n'existaient pas. Il a commencé à se jouer comme ça avec des cages qui n'étaient pas des cages, mais qui étaient juste deux poteaux qui étaient plantés dans le sol et des poteaux dont on ne connaissait pas la hauteur finalement. La hauteur ne comptait pas puisqu'on pouvait marquer. Au départ, quand le football existe, on pouvait marquer en tapant le ballon entre ces deux poteaux. Mais à 2 mètres ou à 50 mètres, c'était pareil. Et puis, la seule règle qui existait, c'était de mettre une séparation de 8 yards, c'est-à-dire à peu près un peu plus de 7 mètres entre les deux poteaux. Et puis finalement, on a décidé de mettre un ruban quand même à 6 yards, c'est-à-dire 5 mètres 50. Avant d'introduire, alors ça j'ai la date, c'est 1891, la fameuse barre transversale à une hauteur de 8 pieds. C'est-à-dire la hauteur qu'on connaît encore aujourd'hui, c'est 2,44 m. Et puis enfin, en 1965, on demande à ce que les poteaux soient obligatoirement ronds. Vous connaissez la fameuse polémique du poteau carré. Et puis en 88, à peine, ces poteaux ils doivent être obligatoirement peints en blanc. Vous n'avez aucun stade avec des cages avec des poteaux de couleur bariolée. Alors, à l'origine, vous savez, en 1863, c'est la date de création de la Football Association. C'est à partir de là que football officiel existe, si vous voulez. Évidemment, c'est en Angleterre. À cette époque-là, taper dans les tibias de votre adversaire, qu'on appelait le hacking, pour se frayer un passage dans les rangs adverses, ça faisait partie du jeu. À cette époque-là, pas de pénalty, pas d'arbitre, pas de carton, la possibilité sur certaines actions de jouer à la main et même de réaliser un arrêt de volée comme au rugby. Au début du 19e, il était encore possible de charger le gardien qui tenait le ballon et de l'expédier soi-même entre les deux poteaux pour marquer le but. Et même jusqu'en 1998, le tacle par derrière était encore autorisé. Le football, ça a toujours été un sport de duel d'abord avant tout. Alors, avant de vous présenter une brève évolution, si vous voulez, des quelques règles comme ça qui ont marqué l'histoire du football, je voudrais juste rappeler qu'en la matière, vous savez que c'est les Anglais, enfin les Britanniques plus précisément, qui sont maîtres en la matière, puisque c'est eux qui créent une institution qu'on appelle le board. Et vous savez que c'est le board qui tient les règles du jeu. Et le board, sa dénomination véritable, c'est International Football Association Board, l'IFAB. C'est une institution très bien accent, Magic. Merci. Créée en 1886, donc par 4 associations britanniques qui représentent l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande, donc pour accompagner les premières compétitions qui regroupent uniquement ces sélections nationales. C'est elle qui a inventé ce qu'on appelle aujourd'hui les lois du jeu. Le board détient encore aujourd'hui les lois du jeu. C'est elle, depuis 1886, qui tient ces règles-là. Il n'y a qu'une seule institution qui a rejoint ce board. Et vous allez rigoler, c'est la FIFA. Il n'y a pas d'autres institutions qui tiennent le bord. Il y a la FIFA, mais qui n'a que 4 voix. Les 4 nations premières ont chacune une voix, ce qui fait 4 voix. Et la FIFA, qui représente 200 pays, ne compte que 4 voix. Et les décisions pour changer les règles du football sont prises à la majorité de 6 voix. Donc, nos amis britanniques sont toujours les tenants des règles du jeu. Alors, pour résumer, en gros, depuis le début de la création, le football s'est adapté pour être de plus en plus efficace. Et jusqu'aux années 30, il y a eu pas mal de changements. Depuis les années 30, très peu de lois, de règles du football ont changé. Je vais vous faire un petit résumé donc, des évolutions les plus marquantes de ces règles-là. En 1866, vous savez, on autorise les passes à l'avant. Avant, il y avait le hors-jeu. Le hors-jeu, c'était tout ce qui était passe à l'avant. On n'avait pas le droit de faire de passe à l'avant, donc il n'y avait que des dribbleurs. Donc là, on autorise la passe à l'avant, puisque la position de hors-jeu va être identifiée au-delà des 3 défenseurs entre la ligne de l'attaquant où est situé l'attaquant et la ligne de but. Et c'est plus tard, en 1925, qu'on va considérer qu'il y a hors-jeu avec seulement 2 personnes entre l'attaquant et la ligne de but. 1869, apparition du coup de pied de but, ce qu'on appelle le 6 mètres. Avant, ça n'existait pas. 1872, apparition du corner. Ça n'existait pas non plus. 1877, un truc est assez génial. On autorise d'effectuer la touche, la rentrée de touche, dans toutes les directions. Parce qu'avant, elle devait être comme au rugby, c'est-à-dire perpendiculaire à la ligne de touche. 1891, introduction du pénalty et entrée en jeu des arbitres. Avant, les arbitres n'existaient pas. 1812, limitation du rôle du gardien qui ne peut plus prendre le ballon que dans sa surface de réparation et non plus dans toute la moitié de terrain, dans toute sa moitié de terrain. Et qui doit aussi s'habiller différemment. 1958, autorisation d'utiliser des remplaçants. 1970, apparition des cartons jaunes et des cartons rouges. 1992, interdiction pour le gardien de saisir une passe à la main lorsqu'elle est volontaire, en retrait. Et 1898, le tacle par derrière est interdit. Alors, je voudrais juste terminer pour dire cette petite chose-là. Au départ, les tenanciers du football ont très vite pris conscience que ça pouvait être un sport mondial et ils ont cherché à essayer de rendre ce sport-là le plus spectaculaire possible. C'est qu'ensuite, une fois que ça a commencé, que des règles liées à la sécurité des joueurs ont été introduites. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est un peu figé. Il n'y a pas beaucoup de règles qui ont évolué depuis les années 90. Merci Magic, vous avez magnifiquement utilisé votre minute 50 pour évoquer ces règles du jeu. On va parler maintenant d'un foot un peu différent qui va nous permettre d'évoquer avec vous, chers invités, ces règles du jeu. C'est le foot triolectique, dit aussi foot situationniste. Vous nous en dites juste 2 mots, coach. Oui, aussi appelé foot à 3 côtés, qui est donc une création de l'artiste Asger Jørn, qui est donc plutôt connu en tant que peintre, mais qui a aussi fait partie du groupe de l'international situationniste. Je pense que peut-être que le mieux, ce serait déjà de montrer les images de l'espèce de reenactment, là, de la reprise qu'en a été faite par le collectif Pied la Biche, pour notamment la Biennale de Lyon de 2009, qui donne quelques éléments d'explication sur ce fameux football triolectique. Alors le collectif Pied la Biche a réalisé une vidéo à partir de ce tournoi organisé. On en a monté quelques petits extraits. Oui Magic, juste un... Non, je pensais que vous vouliez dire un mot. On regarde et on écoute cet extrait. La vidéo que vous regardez vous propose une nouvelle façon de jouer au football. Une façon absolument révolutionnaire. Le football du 21e siècle. Il ne s'agira plus d'y jouer à 2 équipes sur un terrain à 2 côtés, mais à 3 équipes sur un terrain à 3 côtés. Cette vidéo va donc vous présenter le football à 3 côtés. Le football, c'est sur le terrain, des joueurs et un ballon. Jusque-là, rien de particulier. Sauf qu'ici, à Vénissieux, il n'y a pas 2, mais 3 équipes, et donc une, deux, trois cages et un terrain hexagonal. Une situation déconcertante et déstabilisante. Le football à trois côtés a été inventé par l'artiste danois Asger Jorn. L'idée de ce sport est présentée dans l'ouvrage « De la méthode de triolectique dans les applications en cytologie générale », édité à Aarhus en 1964 par l'Institut scandinave de vandalisme comparé. La triolectique s'oppose terme à terme à la dialectique qui représente par sa conception dualiste du monde la représentation de la société telle que la bourgeoisie tente de l'ériger. Qu'est-ce que la dialectique pour Asger Jorn ? C'est l'affrontement, le duel, la loi du vainqueur. Par quels moyens propose-t-il de contrer ces effets ? En remplaçant le modèle binaire par un modèle ternaire. Contrairement au premier, celui-ci permet la stratégie, la collaboration, le hasard. Ainsi, Asger Jorn propose-t-il de passer du modèle dialectique bipolaire au modèle triolectique. Cette conversion mathématique a pour objectif de faire exploser le modèle traditionnel de la société bourgeoise. Pour montrer comment une telle théorie pourrait trouver des applications concrètes, Asger Jorn propose de s'attaquer à l'exemple le plus emblématique de l'affrontement bipolaire, le football. Il crée l'idée du football à trois côtés. Les règles sont inspirées des 10 grandes règles du football telles que définies par la Fédération internationale de football amateur. 1. La géométrie du terrain. C'est un hexagone régulier. Un côté sur deux est doté d'une cage. 3 tiers de terrain sont délimités par les apothèmes reliant le centre de l'hexagone et les côtés sans cage. L'hexagone est contenu dans un terrain de football à deux côtés. 2. Le problème du nombre. 6 et 3, c'est trop peu. On s'est dit 4, c'est trop peu. Le football du 21e siècle, le football à trois côtés. Désormais, vous connaissez les règles du football à trois côtés. Le football du futur. Expliquer les 10 règles principales du foot à trois côtés, on a réduit un peu dans cet extrait. Vous aviez connaissance, chers invités, de cet autre type de football ? En effet, j'avais déjà entendu parler de ce type de football, et d'ailleurs, aux échecs, ils ont fait exactement la même chose, et pour les mêmes raisons. Voilà. J'en avais entendu parler, mais j'avais jamais visualisé, en fait. C'est intéressant, on avait réalisé, nous, pour à l'occasion d'une émission des Bâtons d'Anguirou, je crois, foot et espace public, l'expérience d'un tournoi de foot à trois côtés ou d'un match de foot à trois côtés sur la plaine. Et pour l'avoir expérimenté, c'est assez chouette à jouer. Effectivement, il se passe des choses un peu intéressantes de négociation entre équipes, puisque tout à coup, on va être deux équipes à jouer contre la troisième, mais ça va finir par s'inverser, puisque dans ce foot à trois côtés, on ne compte pas les buts qu'on marque, mais les buts qu'on encaisse. Donc on se retrouve fatalement à un moment donné à être l'équipe qui a encaissé le moins de buts et donc à avoir 8 joueurs en face de soi et puis ça s'inverse, etc. Ce soir, un autre match, un autre tournoi de football va avoir lieu, le tournoi Footopic. Et pour ce tournoi, Magic, vous avez encore une fois en compagnie des jeunes de la DAP 13 concocté des nouvelles règles, des règles possibles pour un foot meilleur. Et on va vous écouter pour en parler. Ouais, enfin, un foot meilleur, en tout cas, des règles qui sont destinées à favoriser, comme on l'a dit officiellement, une meilleure coopération entre les joueurs, atténuer un certain esprit de compétition et tenter de permettre une plus grande convivialité dans ce tournoi-là. Alors, on a défini, donc avec ces jeunes, effectivement, 3 séries de règles. D'abord, des règles permanentes. Je crois qu'il y a en tout 9 règles permanentes qui vont être valables pour tous les matchs qui vont avoir lieu lors de ce tournoi. Une deuxième série de règles complémentaires qui vont être tirées au hasard, et donc on rajoutera une règle aux règles permanentes. Et enfin, une dernière série de 3 règles qui sont des règles joker, où là, n'importe qui pourra choisir une de ces règles pour inverser le résultat du match. Alors, les règles permanentes. Donc, premièrement, il faut que ce soit un tournoi mixte. Les équipes sont mixtes. Chaque équipe doit comporter au moins un joueur ou une joueuse. Chaque équipe désignera un ou une capitaine, donc. Deuxièmement, un but ne peut être accepté qu'à la condition qu'au cours de l'action qui amène ce but, le ballon ait été touché par au moins un joueur et une joueuse. La délimitation de l'action est laissée à la libre appréciation de l'arbitre. Troisièmement, un but ne peut être validé qu'à condition que le buteur réussisse dans la foulée un panier de basketball. Selon ce principe, l'arbitre, considérant qu'un but a été marqué, devra arrêter le jeu pour appeler le buteur et lui demander de tirer un lancer franc selon le modèle du basketball et selon le marquage du terrain, du playground de la friche. Si le buteur ne réussit pas son lancer franc, le but n'est pas validé et le ballon est rendu au gardien adverse. Cette règle est valable pour tous les buts, sauf pour ceux qui seront inscrits lors d'une séance de pénalty tirée à l'issue d'un match nul. Quatrièmement, si au cours du jeu, le ballon fait panier, c'est-à-dire pénètre dans un des paniers de basket du terrain, l'équipe opposée au panier en question marque 2 points, à la condition que le ballon ait été lancé du pied, que ce soit par un de ses joueurs ou par un joueur adverse. Cinquièmement, il est interdit de proférer des insultes au cours du match. L'équipe à laquelle appartient le joueur qui s'en rend coupable se verra automatiquement sanctionnée d'un pénalty à son encontre. Sixièmement, tous les pénaltys sont tirés à l'aveugle. Lorsque l'arbitre sifflera pénalty, quelle que soit la faute, il devra appeler le tireur pour lui occulter la vue à l'aide d'un bandeau prévu à cet effet. Le tireur de pénalty a le droit de tâter le ballon du pied avant de procéder à son tir, mais il tire à l'aveugle. Septièmement, le joueur qui a marqué 2 buts validés par l'arbitre est sanctionné d'un carton vert qui lui interdit désormais de marquer un nouveau but jusqu'à la fin du match. Ceci engendre le fait que lorsqu'une équipe marque 8 buts, eh bien, il y a déjà victoire. Huitièmement, le joueur qui se rend coupable d'une faute à la suite d'un contact sur un autre joueur sera sanctionné d'un carton rose qui l'oblige à faire un câlin de 5 secondes au joueur qu'il a admonesté. Si l'un de ces 2 joueurs refuse de faire le câlin, l'arbitre devra siffler un pénalty contre l'équipe de ce joueur. Si les 2 joueurs concernés par la faute refusent le câlin, l'arbitre devra siffler un pénalty contre l'équipe à laquelle appartient le joueur coupable de la faute. Et 9e règle permanente, tous les joueurs doivent jouer collectif en faisant notamment des passes à leur partenaire. Le joueur qui garde trop la balle sera désigné comme mangeur de ballon. À tout instant, l'arbitre peut alors sanctionner ce comportement et sanctionner donc le mangeur de ballon à manger la harissa, préparation qui sera présente au bord du terrain tout le long du tournoi à base de harissa faite maison, bien évidemment. Ensuite, les règles complémentaires. Alors, les règles complémentaires, il y en a 5. Et pour déterminer la règle qui, parmi les 5, va être choisie, il sera fait appel au capitaine des 2 équipes avant chaque match. Chacun des capitaines tirera au sort une des règles indiquées, que je vais vous indiquer tout à l'heure. Et puis, à l'aide d'une pièce de monnaie, l'arbitre procédera ensuite au jeu du pile ou face, comme il est la norme dans les matchs de football. Le capitaine vainqueur de ce jeu du pile ou face aura alors le choix entre décider qu'au coup d'envoi le ballon est donné à son équipe ou appliquer une règle sur les 2 qui ont été tirées au hasard. Donc lorsque la règle n'est pas respectée au cours du match, l'arbitre sanctionne l'équipe coupable en donnant le ballon à l'équipe adverse. Alors ces 5 règles, les voici. Premièrement, le dribble n'est autorisé que vers l'arrière, c'est-à-dire vers le but de l'équipe à laquelle appartient le joueur qui dribble. Deuxièmement, il est interdit de courir au cours du match. En revanche, la marche rapide est autorisée, le principe étant que le joueur doit toujours avoir au moins un de ses pieds au contact du sol. Cette règle est valable pour tous les joueurs du match, y compris ceux qui n'ont pas le ballon. Troisièmement, il est interdit d'émettre le moindre son. Le match se déroule dans le silence total. Les joueurs ont cependant la possibilité de communiquer avec les mains. Quatrièmement, la parole n'est autorisée qu'à condition d'utiliser un langage particulièrement affable et poli. L'emploi du vouvoiement est vivement recommandé. Selon cette règle, dire « passe-moi la balle » sera sanctionné. À la place, est autorisé en revanche de dire « voudriez-vous bien me transmettre le ballon, s'il vous plaît ?» L'arbitre sera le seul garant et juge du respect de cette règle. Et cinquièmement, enfin, la parole n'est autorisée qu'à condition de dire un prénom qui aura été choisi avant le match par les deux capitaines. Par exemple, les deux capitaines se mettent d'accord sur le prénom Marc. Eh bien, la seule parole qui pourra être autorisée durant le match sera celle de dire ou de crier Marc, Marc, Marc, Marc. Enfin, les règles... les règles joker qui sont là pour inverser le score. Le principe général, c'est que cette règle-là permet à l'équipe qui a perdu le match d'inverser le score du match. La règle doit être demandée durant les 30 secondes qui suivent la fin de chaque match par l'un des joueurs de l'équipe qui a perdu. Donc, il demandait à l'arbitre. La demande est individuelle. L'arbitre interpelle alors le public et rappelle tous les joueurs pour leur signifier que la règle supplémentaire a été demandée. Le joueur demandeur doit alors procéder à l'action de la règle qu'il a choisie parmi les trois que je vais vous citer, vous énoncer. Une fois l'action exécutée, l'arbitre la validera ou non avec la complicité du public. Si l'action est validée, c'est-à-dire qu'elle est bien réalisée ou qu'elle a plu au public, l'équipe qui a perdu est alors désignée gagnante sans que l'autre équipe n'y puisse rien. Alors ces trois règles, les voici. La première, c'est la règle de LeBron James. D'un tir du pied après un rebond, le joueur doit réussir un lancer franc selon le modèle du basketball et selon le marquage du terrain. Deuxième règle, la règle de Cantona. Au micro prévu à cet effet, le joueur doit déclamer une citation ou un poème connu et dire le nom de l'auteur ou chanter une chanson dans son intégralité. Et troisième règle, la règle de Cupidon. Au micro prévu à cet effet, le joueur doit faire une véritable déclaration d'amour à l'un des joueurs ou des joueuses adverses. Les règles qui vont pouvoir... Magic, c'est assez magnifique, toutes ces règles. Ça me paraît quand même un poil compliqué, ce football que vous voulez mettre en place. Pour le tournoi de ce soir ? Alors, dès qu'on parle d'utopie, la première contestation, c'est que c'est compliqué. Ce n'est compliqué qu'à condition qu'on décide que ce soit compliqué. Voilà. En tout cas, je vous remercie, Magic, au nom de tout le dispositif des bâtons d'Anguirre. Oui, coach. Oui, j'ai juste une petite question. Il y a un truc que j'ai pas compris. En fait, quel est l'âge du capitaine de l'équipe ? Alors, le tournoi est ouvert à toute personne libre et consentante à partir de 2 ans et jusqu'au moment de sa mort. On rappelle d'ailleurs que Adam vous attend dans sa guitoune pour les inscriptions pour ce tournoi qui va se dérouler dans quelques instants. Le temps pour nous, je crois, de nous quitter. Avant cela, on va vous remercier, Richard Duhautois et Ludovic Lestrelin, d'avoir bien voulu participer à cette émission des bâtons d'Anguirre Footopie. Merci. Merci beaucoup. Un petit mot sur ces règles du jeu. Vous avez envie de jouer une partie de foot avec les règles que Magic vient de nous dicter ? Pourquoi pas ? Très volontiers. Ben on peut vous inscrire. Ça me fait penser pour le tournoi à venir. Ça me fait penser au mouvement Tatane en fait, qui a instauré des règles comme ça assez rigolotes. L'une que j'ai retenue, c'est la règle Lionel Jospin. Si vous ratez une occasion immanquable, vous devez faire une sorte de discours pour vous retirer définitivement du terrain. Elle est pas mal. Richard, une règle à proposer pour le. Le football... Le football meilleur du futur. J'espère qu'il n'y aura jamais d'arbitrage vidéo. Voilà, c'est ça, mon utopie. Pour l'instant, il y a résistance. Merci en tout cas à vous deux. Merci Dondé, merci coach, merci docteur et merci Magic. Oui, vive l'équipe de France. Si vous voulez. Et puis on se retrouve très bientôt sur les antennes de Radio Grenouille pour une nouvelle émission le 18 juin pour une émission consacrée à la bande dessinée. On se quitte avec une suggestion de Brett Sinclair, le grand absent du soir. C'est mon tigre, ou Common Tigre, Fédération Tunisienne de Football. Un bien beau clip, vous allez voir. Bonne soirée à tous, et puis bon tournoi, foot au pic. Débattons de Giroud, l'émission de foot est finie, mais la soirée Footopie n'est pas finie. Si vous voulez faire un tournoi, eh bien c'est le moment. Il reste encore des places pour les inscriptions. Un tournoi avec des règles un peu particulières qui ont été évoquées pendant l'émission va commencer. Voilà, alors on vous invite à vous inscrire et on vous souhaite, si jamais vous êtes chez vous en train d'écouter l'émission, une bonne continuation sur les 3-8. Merci à tous. Retrouvez tous nos programmes sur radiogrenouille.com.